En tant que footballeur, jouer des matchs comme ça, c'est bandant. De Radio Choub, enregistrement numéro 24, mais comme il y a plusieurs saisons, on ne sait pas quel numéro d'émission c'est, on s'en fout. Nous sommes en direct du futur, ou du passé, je ne sais plus. Mais en tout cas, nous allons faire une première radiophonique. Tous les meilleurs chroniqueurs de Radio Choub sont là, et peut-être même plus, pour commenter forcément les derniers matchs. Mais surtout commenter le match face au Paris Saint-Germain qui aura lieu demain. Non, qui s'est joué hier. Qui s'est joué hier, exactement. Ou avant-hier. Voilà. Enfin, ouais, quand ça sera publié. Ça dépend. En... Le Radio Choub vers le futur. Voilà, ça dépend en quelle réalité vous êtes. Dans le métaverse. Alors, dans le métaverse. il est dans notre réalité, en tout cas, du studio Gigas ce soir. C'est Luki. À toutes et à tous. Voilà, bienvenue, toujours un plaisir de te recevoir. Et merci pour l'invitation. Voilà, t'as, on est super poli en plus. Ça va être très très courtois. Radio Courtoisie. Radio Courtoisie. j'ai appris ça sur Radio Fréquence Verte. C'est vachement important d'être poli. Les mecs sont très très sympas. Voilà, il rigole, il a fait tous les médias de la Terre et même peut-être des autres galaxies, c'est Hathor. The government totally sucks, you motherfucker. The government totally sucks. The government totally sucks. Cause the land of love and freedom is just a baby's breath away. Oui, bonjour, bonsoir. Moi, je n'ai pas fait fréquence verte, malheureusement. Je n'ai pas eu cette chance. C'est un appel de balle. C'est ça, en profondeur. Je pense que tu aurais totalement ta place sur Radio Fréquence Verte. Oui. J'en toucherai un mot à nos amis. Je pense que les apéros doivent être aussi, au moins aussi bien qu'ici. Non, parce que en fait, on mange et on picole après le match. Après l'émission. Après le match. Voilà. Ici, c'est avant, pendant, il y a aussi ça. Oui, parce que c'est pro là. Voilà. Et bien sûr, ça fait aussi quelque temps qu'il n'était plus là. On s'est tous inquiétés pour sa santé. C'est Jean-Luc Cachiot, 90. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. La mine. 1, 2, 3. Voilà, donc on a lancé l'émission parce que c'est vrai, on attendait Kittle. Ah, c'est le chapeau. Et en fait, il pouvait pas venir. Voilà, ça c'est le petit point technique, les coulisses de Radio Choub. Voilà. Beaucoup de matchs, beaucoup de matchs. On a quand même attendu une défaite avant d'enregistrer. Bien sûr, bah le studio était prêt, tout était prêt, hein. Les bières étaient au frais depuis 12 matchs et là bon pas 12 d'ailleurs, Jean-Jean. Si, 12 matchs, si, en cumulé, ça faisait 12 matchs. 11 matchs sans défaite et une défaite. Voilà, bah 12, exactement. Mais plus de travail avec Furlan, quoi, hein, c'est sûr. Mais bah, là, à l'époque, c'était genre un Radio Choub tous par les semaine, par cadence infernale. Par heure. Et donc, nous remontons à une victoire. Rappelez-vous, nous sommes début du mois d'avril. Radio Choub vient juste d'être publié parce qu'il y a eu un petit peu des problèmes de publication. Et c'est le derby des Racing. Je ne sais pas s'il y a un nom. Face aux frérots Lensois. Voilà. Exactement, les frérots Lensois. Le frère Rico. Enfin, le cousin Nico. Le cousin Nico. Ah bah, nous sommes tous des enfants du Racing, de toute façon. Ouais. Voilà. Bon. Je m'aventurerai pas sur le terrain génétique avec les Lensois. Oui, c'est clair. Ni avec les Lillois. Hein. Oui. Mais en plus, le Racing Club de Lens, c'est aussi 1906. C'est tout à fait. Et qui s'appelait Racing avant nous. Ouais, mais ils étaient français avant nous aussi. C'est vrai. C'est vrai. Parce que nous, en 1906, on pouvait pas s'appeler. Ah, c'était le Erste Fußball Club Neudorf. Voilà. Ça, c'est... et donc, ben. Dommage, hein, qu'on n'ait pas gardé ce nom, finalement. Ça aurait évité peut-être des amitiés twitteriennes ou facebookiennes ou instagramiennes. On aurait été amis avec Karlsruhe, peut-être. Ah, peut-être, ça, peut-être. Karlsruhe qui a validé sans maintien, avec un magnifique nul 2-2 contre le dernier du championnat, à savoir Ingolstadt. Après avoir été mené 2-0. Voilà. Mais c'était la fête, hein, quand même, en fin de match. La fête. Alors, c'était moins la fête à 2-0, hein, parce que je suis allé faire mon pèlerinage au Wild Park. Nouvelle version. Ah oui, c'est ça, le... À découvrir dans Radio Stub, Karlsruhe. Voilà, Radio Stub, Karlsruhe Stub. Mais donc voilà, Karlsruhe jouera en Bundesliga 2 l'année prochaine, donc ça nous permettra de voir quelques matchs, surtout qu'il y a peut-être des clubs intéressants. Ils ont un bon milieu de terrain, un petit jeune, je sais plus comment il s'appelle. Il y avait le chinois, il y avait qui était un coréen. Voilà. Ça dépend quel coréen. J'aurais dû dire un japonais, c'est plus facile puisque c'est eux qui avaient conquéri. Attention, hein, que Bordeaux le recrute pas. Hein. Vous, voilà. Vous êtes toujours sur Radio Courtoisie. Oui, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça. Le frère Rico. Voilà, le frère Rico. Le Racing Rico. Donc voilà, alors en conférence de presse avant, enfin de rédaction, on disait il y a un peu cette amitié Twitter, Facebook avec les Lensois, alors que pas du tout. Oui, mais je pense que ça vient de la Ligue 2 à une période où les clubs étaient tous les deux dans une pente ascendante, et il y a eu ce fameux match à Lens où les supporters se sont retrouvés sur le parvis pour chanter, voilà, c'est ça qui avait créé cette émulsion du frérico. C'était la génération Racing. C'est ça, la génération Racing à l'époque, oui, c'est vrai. En plus, c'était le hashtag génération Racing. Oui, c'était sa campagne d'abonnement. C'était l'époque aussi où c'était les deux gros clubs de Ligue 2, ouais. Hein, avec une grosse ferreur. Hein. Et avec l'un des plus gros matchs de Ligue 2 de cette saison-là, en plus, le un partout là-bas, il était incroyable. Avec Okijak a gagné un quart d'heure sur ses dégagements. Et Mangan qui rate la balle de 2-1 à la toute fin. Oui, avec la tête, tête sous le couffron là. Et peut-être aussi les deux seuls clubs de Ligue 2 à avoir des supporters à l'époque. Oui, c'est vrai qu'il y avait Niort. Ouais. C'est peut-être plus difficile, vous qui étiez à Niort, hein, je crois, à tort, toi, tu sais. J'étais à Niort. On était à Niort. Ouais, c'était peut-être plus difficile de trouver des supporters avec qui fraterniser à Niort. C'est des Unicamox, c'était voilà, ça? Voilà, les Unicamox. Mais le stade de Niort ressemble beaucoup au stade de Lille. Lille à Mulhouse, hein, pas. Donc voilà. Alors, effectivement, après, on peut dire quand même les Lensois sont sympas. Non. Non, on peut pas dire ça. Enfin, non, on peut pas dire. Souviens-toi de Gervais Martel en 2009. Nos amis Boulogne, nos frères Boulonnais. Qui sont derniers, hein, de National. Hein, ouais. Qui vont le match en bois de Boulogne. Ah, mais tout se paye, hein. Boulogne qui nous enfle sur ce match-là. Et qui va finir en CFA, là. Nancy, est-ce qu'on peut parler de Nancy? Bien sûr, on est toujours sur Radio Courtoisie. C'est de Nancy. Donc, bien fait pour leur gueule. Voilà, exactement. Mais tu as ton message sur le je te vois tout résumé. Tout se paye un jour. Exactement. Il faut pas faire chier Racing. Hein. Mais l'événement de ce match contre Lens, c'était la clause de conscience. Qui a annulé tous les supporters. La Jonathan Clause de conscience. Faut-il applaudir ou pas un Alsacien fraîchement nommé en équipe de France? C'était la question qui a animé toutes et tous. Tout ça pour dire qu'il y avait beaucoup de pression pour les joueurs. Hein. Tant ce match a donné lieu aux à côté, on savait pas trop comment. Est-ce qu'il fallait applaudir Est-ce qu'il fallait chanter un aux armes tous ensemble? Est-ce qu'il fallait applaudir Jonathan Clause? Est-ce qu'il fallait se lever et puis chanter s'il marquait? Enfin, c'était compliqué, du coup, hein, pour les 22 acteurs de se retrouver sur un tel match. Ça n'a pas donné un grand match, hein, mais on a gagné. C'est gagné. Mérité. Jonathan Clause, un peu... Il est effacé, ouais. Mais j'ai entendu... annihilé par Dimitri Lienard. Mmh. Ouais. Bon, il était pas très en forme non plus. Ce qui prouve que Didier Deschamps a peut-être mal choisi dans sa sélection. Mais il choisit mal depuis quelques années. Ouais, mais c'est une parenthèse peut-être de Jonathan Clause, mais en fait, Deschamps le sélectionne alors qu'il est un peu sur la pente descendante cette saison-là. Je trouve qu'à l'automne, il était largement meilleur. Et à ce moment-là, il aurait mérité sa sélection. Ouais, après, mais là, on approche du mercato. Il le sélectionne dans une période où il n'y a plus grand monde. Hein. Il y a Pavard avec le Covid. Donc, en fait, déjà Pavard Depuis 4 ans, je crois, il y a le Covid. Pavard, en fait, fait quand même ses sélections beaucoup sur son but contre l'Argentine. Hein. Mais j'y étais. Hein. C'était vraiment un beau but. Hein. Mais Pavard fait quand même ses sélections depuis... Franck Leboeuf a fait toute sa carrière sur la fin. C'est vrai que Gilbert... Gilbert se pose en candidat crédible dans cette gamme-là de latéraux fiables qui savent centrer, mais et qui joue en 3-5-2. Et qui joue en 3-5-2, effectivement. Mais c'est vrai que sur ce match-là, le Racing a fait plutôt une bonne partition et a montré qu'il pouvait être solide dans les moments où il était attendu, entre guillemets. Parce que c'était le fameux sprint final, c'était le premier match, en fait, de cette série de grosses rencontres à domicile. Après, on s'est farci Lyon et Rennes dans la foulée, mais Monaco juste avant, il me semble, ou après, je sais plus. Mais, oui, il y avait Monaco et après Lorient. Ouais, Monaco et après Lorient et après Lens. Voilà. Ouais, c'est ça. Monaco, Lorient, Lens. Voilà, et c'était un des matchs charnières, entre guillemets, dans cette semaine, à deux matchs consécutifs à la Méno, c'est-à-dire Lens le dimanche 3 et Lyon le dimanche 10. Si je me trompe pas. Et Strasbourg a parfaitement négocié ce virage, tout en ayant cette fameuse baraka en fin de match, de nouveau, où Lens met la pression et au final, on tient bon. C'était dans cette veine-là. Quoi, c'est matchs, surtout la dernière clean sheet. Oui. Du Racing. Oui, tout à fait. Alors qu'on vantait les mérites de notre défense. Et que Lens loupe une grosse occasion à la fin. Mmh. Je crois qu'il tire dessus sur un centre en retrait. Enfin, c'est un peu le minimum syndical du Racing, hein, qu'on cède toujours une occasion à la fin, en fin de match. On marque sur penalty, Gamero rate un penalty, mais c'est vrai que dans le jeu, on n'a pas tant d'occasions que ça. Enfin, mais c'est une constante et on en reparlera encore après. C'est que dans le jeu, on a du mal à se créer des occasions. Est-ce que Thomasson n'était pas encore revenu sur ce match-là? Ouais, donc il manquait un peu cette courroie de transmission. Je crois qu'on se crée des occasions, mais on a du mal à les mettre, clairement. Ouais, mais plus sur les autres matchs. Là, c'est vrai que là, on est vraiment sur l'efficacité clinique du deux pénalties, un but, on n'en encaisse pas. Bon. Non, mais ça reste quand même poussif dans le jeu. Enfin, c'est compliqué de dire ça alors que. Si, on peut. Quand on est dans les 5 premiers, 6 premiers. Enfin, on est 5e ou 6e, hein, mais c'est. Bah, là, actuellement, vu qu'on a battu Paris, on est. Ah oui, c'est vrai qu'on est remonté. On est remonté. Et que tous les autres ont perdu. Bah, non, on peut dire que, ouais, on connaît pas encore les résultats des autres parce qu'on est que le lendemain du match. Ouais, c'est bien. C'est retour vers le futur, mais pas trop. Samedi 9h du matin. Voilà. JP Darky va devoir bosser dans sa DeLorean. C'est ça. Mais non, ce que je veux dire, c'est qu'on a toujours cette constance. Et c'est quelque chose de constant depuis le début de saison. Alors, il y a eu quelques matchs un peu en trompe-l'œil où on mettait 4-5 buts. Mais finalement, on a que Thomasson vraiment dans ce profil de joueur un peu dynamiteur de milieu offensif qui peut construire, qui peut provoquer, qui peut dribbler. Mais derrière, ça reste assez statique. Au milieu de terrain, on a des joueurs qui travaillent. Même à Persic, c'est pas non plus c'est pas ce registre-là de joueur d'élimination. Donc on a toujours cette limite dans l'effectif. Mais Stéphane. Alors après, pour tresser des franges. Eh ben, ça tombe bien. Justement, ce match, on a fait un peu le tour. Stéphane fait des miracles. Ouais. On arrive au paillasson Nico. C'est ça. Le match passe donc face à Lyon. Vous allez faire un tour pas en Coupe d'Europe. Ça va vous détendre. Ah oui. Et donc il y a la rumeur perfide Mais pas encore. Pas encore. Elle avait émergé un petit peu avant, mais elle s'est concrétisée après Lyon, juste avant 3. Ouais. C'est là où il a râlé. Oui, c'est après 3 qu'il a râlé. Mais avant Lyon, il y avait déjà la rumeur, parce qu'on a dit oui, déstabilisation de la part. C'était dans la shortlist entre guillemets. Il y avait une rumeur déjà l'été dernier. Enfin, oui. Lyon, Stéphane était sur la shortlist de Lyon avant qu'ils prennent. Comme tout le monde. Oui, mais après, c'était un entraîneur au chômage, un bon entraîneur au chômage, donc forcément, il est associé. Mais que après, Lyon s'y intéresse, c'est normal. Enfin, beaucoup de clubs peuvent s'y intéresser. Il est tellement parfait, cet homme. Mais ça veut pas dire que derrière, ils vont passer à l'action et nous le déboucher. C'est vrai qu'il dégage quelque chose un peu du genre parfait, hein, Stéphane. Le nouveau Marc Keller? Ouais. Ah, bah, c'est oui. Ouais, mais tu sens que c'est vraiment le mariage, quoi, Tu sens qu'il a jamais été dans d'aussi bonnes conditions pour bosser. À Rennes, finalement, il était en conflit ouvert avec son président, savoir le Olivier Létang à l'époque. On lui avait filé Atem Ben Arfa dans les pattes et on a vu, c'était un grand succès à Lille cette saison aussi. Enfin, finalement. Qui l'a fait venir à Lille d'ailleurs? Je sais pas, un certain Olivier L. Oui. Et qui l'a fait venir au PSG? Un certain, ouais, bref. Voilà. Je pense que Julien Stéphane, ici à Strasbourg, a le contexte de travail qui lui sied, c'est-à-dire un public fervent. Un président qui est son double mais en plus grisonnant et en plus expérimenté et en voilà. Plus de sélections en équipe de France. Oui, avec plus de sélections en équipe de France et plus de matchs en pro globalement. Et c'est cette atmosphère de travail qui lui permet de bosser en toute sérénité, tout en étant tout le temps soutenu. Ce qui est quand même important pour, dans le sport de haut niveau. On en reparlera parce que dans cette période où le Racing n'a pas perdu un seul match, il y a quand même des gens qui ont trouvé des choses à redire quand même. Enfin, moi, je trouve ça ouf. Bah, je l'ai fait juste avant, pardon. Mais... Non, mais il y a toujours des choses à redire. Oui. Mais pas à se plaindre que le Racing va peut-être potentiellement jouer une Coupe d'Europe ou des choses comme ça. Faut juste kiffer. On a joué contre Uzès à une époque. Non, voilà. D'ailleurs, c'est ce que dit Habib Diallo dans le programme d'hier. Il a parlé de Uzès. Faire kiffer le public. Il faut kiffer. Il faut kiffer. Il faut juste kiffer. Et je pense qu'il a écouté. Il a écouté les chants. Beau doublé d'ailleurs contre PSG hier. Diallo. Ouais, c'est vrai. Ouais. Magnifique. On va se retourner là. Et donc voilà, c'est alors bon, c'est vrai que il y a ce petit truc. On aborde Lyon. Alors Lyon, on le sent un petit peu qu'on va se la prendre à l'envers. Hein, c'est un peu genre Football France 67 a pronostiqué une défaite comme sur tous les matchs. Mais c'est vrai que Lyon, on a toujours peur de se faire enfler, en fait. Mais Lyon, tu sens que c'est le tournant, parce que concrètement, si on gagne, on les élimine complètement de toute la Coupe d'Europe. Et en même temps, en gagnant, on se dit qu'on aborde le sprint final bien placé. Et si on perd, on les relance. Et finalement, ni l'un ni l'autre. Et finalement, je pense que c'est le match qui montre tout ce que ce Racing-là peut faire, c'est-à-dire qu'on domine, on archi-domine Lyon de bout en bout. On est meilleur que Lyon, tous les observateurs le disent, et on se prend un but parce que finalement le remplaçant de Cassie Gilbert, qui revenait lui-même d'une semaine compliquée où il était sur le flanc toute la semaine, il n'arrive pas à dégager le ballon qu'il aurait dégagé s'il était à 100%. Et en fait, c'est ce que je me dis depuis un certain temps, ce Racing, s'il avait un effectif plus conséquent, parce qu'on a quand même 16-17 joueurs qui gravitent au maximum, je pense qu'on ne se poserait pas autant de questions sur les résultats. Il y aurait des matchs qu'on aurait gagné plus facilement, je pense qu'on serait plus haut au classement. Stéphane maximise l'effectif. Oui, mais là justement, il ne pouvait pas faire mieux sur ce match-là. Le but qu'on prend, c'est parce qu'en fait, il fait rentrer Gilbert qui est cramé. Et Toko Ekambi, ça reste un bon joueur. C'est surtout qu'il marque tout le temps. J'allais dire, on fait sa carrière à Toko Ekambi. Oui, c'est vrai. Je crois qu'il en est à son 8e ou 9e. Comme quelqu'un d'autre, je crois. C'est le nouvel Alexia. Il a commencé avec un mais avec 4-5 clubs, il a marqué quoi avec le PSG, avec Sochaux, avec Angers. Et donc maintenant avec Lyon. Mais plus que Gilbert, je pense que c'est surtout Liénard sur le but. Liénard, 2 mètres en retard. Mais cramé, il est fatigué. Mais Liénard, je peux même pas lui en vouloir. Il fait un match de fou. On doit marquer 1000 fois avant. Gamero doit marquer 1000 fois lui avant. Lui aussi en rate une, Liénard. Mais sur ce but, tu vois clairement qu'effectivement Liénard, il est complètement cuit. Et que sur le but, il met le mec qui centre, sais plus qui c'est, il a du 2 bois, mètres, bois, du bois. C'est du bois. Hein, il lui fait sa carrière. Il a marqué contre nous. Qui a été sélectionné après. Avec Nantes, c'est lui qui a mis la frappe là. Oui, à l'aller-retour, au match aller, au match retour, pour la première saison. Il lui fait sa carrière. On lui fait peut-être son transfert à Lyon, peut-être. C'est probable. Mais je pense que c'était le match qui symbolise la saison du Racing. C'est-à-dire qu'on est, on est potentiellement au-dessus en termes de collectif, en termes de jeu, que la plupart des équipes, que Lyon, qui a des individualités extra, mais qui a pas de collectif, le mec qui joue pas ensemble, Paqueta, il s'en fout complètement de ses coéquipiers. Il en a rien à foutre de ses coéquipiers au Racing. Le score aussi, alors peut-être pas contre le cours du jeu, mais à ce moment-là, Lyon aura 2-3 occasions aussi, mais de 1-0 jusqu'à 1 partout, on archi-domine, là, y a pas de... Mais on cède à la manière de ce que cette saison est. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'effectif sur le papier pour faire mieux, mais on fait quand même beaucoup mieux que ce que tout le monde attend, parce qu'on a un sorcier à la tête de l'équipe et des joueurs qui sont vraiment performants dans cette situation. Ça ressemble un peu à du Thierry Loret, tout ça. Ah, bah, d'optimiser les effectifs, ouais, oui, c'est il y a ça. Quand même un but Sissoko, hein, parce que Sissoko... Mais quel but aussi. Mais quel but, surtout, hein, vraiment, raison, un très beau but. Non, parce que Sissoko, balle au pied, c'est quand même Bibi et le Coyote, hein. Tu sais que ça va pas marcher, tu sais pas comment, mais tu sais que ça va pas marcher, quoi. Bah, c'est le Coyote, Sissoko. Sissoko, c'est le Coyote. Mais le but, il est magnifique, hein. Oui. Mais c'est vrai qu'il y va entre, trois joueurs, c'est ça. Il y va entre trois joueurs, et il y a rien à dire, et il blesse Lopez. Quand même. Parce qu'il y a un juste retour des choses aussi. Mais Sissoko, il fait 2 mètres par foulée, c'est impressionnant, oui. T'as l'impression qu'il va beaucoup plus vite que les autres. Et il a une qualité de centre que je n'estimais pas. Parce que c'est lui qui fait le centre pour Liénard sur l'action là, loupée contre Lens, contre Lyon, pardon. Il a une qualité de centre qui est bien supérieure à sa conduite de balle. Mais c'est vrai que le milieu Sissoko, Bellegarde, Aoulou, tu pouvais flipper quand même. Oui, oui ça respire pas la créativité. Parce que Bellegarde, concrètement, alors Bellegarde, il est endurant, hein, moi j'ai l'impression. À chaque fois, qu'est-ce qu'il court ? Mais alors, la vision du jeu pour un milieu, mais très il a honnêtement, progressé. Il a progressé. Mais à coup le pas, parce que j'ai à un moment donné, je me suis dit, ouais, le mec, il progresse pas autant que les autres. Là, sur ces derniers matchs, franchement, il y avait vraiment des séquences où il était vraiment en même temps, il pouvait être difficilement pire, hein, franchement, non, mais... parce que quand il prend la balle et qu'il fonce tête baissée et qu'il voit plus personne. Ouais, des fois, heureusement qu'il y a la touche ou la ligne des 6 mètres pour l'arrêter. Hein, mais parce que sinon, en même temps, l'an dernier, c'était la stratégie de Loré. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il persistait à mettre Bellegarde et que personne ne comprenait. Mais en fait, le but du jeu, c'était de passer le ballon à Bellegarde, oui. Qui fonce tout droit, qui se fasse faucher dans la surface, qu'on obtient la pénalty et qu'on se maintienne comme ça. Mais c'est contre Nice, hein, que l'un des derniers matchs avec Loré, il le fait rentrer comme deuxième, comme 9,5. L'an dernier, je crois aussi. Ouais. Et en fait, le truc, oui, tu balançais des longs ballons et puis Bellegarde. Et Bellegarde, il courait, ouais, c'est ça, c'était le type. Et Minerai, il est pas très fut-fut, mais il progresse quand même cette année. Je trouve qu'il progresse vraiment dans l'utilisation du ballon, dans sa gestion au milieu de terrain. Je trouve quand même une belle progression. Ouais. On était un peu. Mais cette saison. On attendait les saisons derrière, on disait, il faut qu'il progresse. C'est comme Sissoko aussi, un peu. Oui, exactement. Et les mecs là, un petit peu avec Stéphane et avec. Les conditions qui ont fait que à un moment il faut prendre ses responsabilités, ils ont progressé et maintenant est-ce que ça va se confirmer? Mais Bellegarde était bon parce qu'il jouait aussi dans un autre poste en l'absence de Persic, il jouait 6 et je trouve qu'il est beaucoup plus cadré à ce poste-là, enfin il se disperse moins, c'est vrai qu'on parlait de Bellegarde qui court partout et qui sait pas trop quoi faire du ballon, en 6 il est plus discipliné, il joue plus simple et c'est pour ça qu'il était bon ces matchs-là. Mais il faut remplir le réservoir encore de certains. Et je pense que c'est ce qui a manqué à 3, par exemple. D'accord. Donc oui, ça, sur ce match... En toute transition. Pour juste conclure sur ce match de Lyon, effectivement, quand même déception. Oui. Parce que on se voyait repartir avec les 3 points, enchaîner les 6 points à domicile. Mais ça va être... On se dit, voilà, 2 matchs à domicile, c'est jamais évident, c'est pas pourquoi. Hein, c'est une espèce de c'est la légende urbaine. Ouais, la légende urbaine, c'est pas du tout, c'est pas plus facile que de matchs à l'extérieur. Mais ça reste un bon résultat contre Lyon. Parce que dans cette course à l'Europe, Lyon, de les maintenir derrière, à ce moment-là, c'est de toute façon, peu importe ce qu'on va faire comme résultat jusqu'à la fin de saison, ce sera un mauvais résultat si on gagne pas. Puisqu'il y a quand même des équipes avec des budgets bien supérieurs qui sont dans une forme bien supérieure aussi. Mais ce match-là, si on se prend l'égalisation, et d'ailleurs, j'ai trouvé que le public était pas spécialement dégoûté, c'est chiant. Mais au final, on l'attendait un peu, oui, on la redoutait. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même un peu une frustration en repartant. Alors, il était à quelle heure ce match de nouveau? Était à 19h, moment, et justement, voilà, c'était un petit peu au moment où tout le monde avait la tête un peu ailleurs, mais en même temps, c'était le premier tour des élections présidentielles. Bon, on vous donnera les résultats, mais dans le futur, hein. De 2027. Voilà. Et effectivement, 3. Le jour de Pâques. Le jour de Pâques. Donc, programmation de merde. Donc le Paquito. Non, je sais pas. Le Paqueta. Ouais, alors une programmation un peu, ouais. C'est quand des obligations familiales qui n'ont. En dernier, on avait joué à Bordeaux, hein, je crois. Oui, et c'est il y a ça. 3 Exactement. Ans. Oui. 3 ans, c'était Metz, hein, la Meno, hein, avec le. Oui, c'est ça. Il y a des familles qui se sont déchirées. Voilà. Oui. Maman, papa, si vous m'écoutez. Oui, le match à Bordeaux. Qu'on avait pu voir en sortant, vu que le match n'était pas ouvert au public, on a pu le voir en sortant du repas. Pascal. Donc c'est vrai que, alors, le seul avantage pour les gens qui sont allés à 3, c'est que quand ils sont rentrés, le lendemain, on travaillait pas. C'est vrai. Et que le vendredi, on travaillait pas non plus, donc c'était possible d'aller à 3 en avance. Contrairement aux Troyens. Voilà. En toute courtoisie, on peut dire dans le cul de la France de l'intérieur. Hein. C'est vrai que c'est assez beau, mais il y a des grandes lignes droites. Mais en Italie, ils jouent pas hein, le jour de Pâques. Mais c'est normal. Mais ils jouent le samedi et le lundi. Mais et sachant qu'il y aura Boxing Day, je crois, alors le gain. Oh, faudrait dire une connerie. Non, mais je crois. Non, mais malheureusement, je crois que c'est. Mais pas cette année, la Coupe du Monde. Non, la prochaine. Non, la prochaine. Il y a un truc là, il y a des conneries. Cette année, en décembre. Bah, il y a le Catarico là, en décembre, et après, il y aura le. Putain, mais. Et le repas de famille 26. Ah, bah, voilà, ils ont plus rien à foutre. Là, c'est foot business, CVC. On vend le foot français au grand capital. Bon, ça fait du business, mais voilà. C'est au petit capital, comme petit capital. Nancy ou. mais cette partners. Non, par contre, faut pas déconner. Le 26, voilà, il y a un repas de famille. Bah oui, c'est à Saint-Étienne. C'est les restes du 25. Ah non, bah non, c'est un nouveau repas. Les restes, tu les manges le 27-28. Donc 3, alors 3. Ouais. Là, au niveau du contenu, je pense qu'on n'a pas grand-chose à dire parce que c'était quand même. De la merde. Ouais, voilà, de la merde. Exactement, c'est le mot que je cherche, merde. Bah, en fait, c'est aussi symbolique de l'arbitrage, je trouve, cette saison-là. Oh là là. Parce que, n'empêche, le but de Gamero doit être valable. J'ai pas vu la première mi-temps, j'étais au dessert. C'était la deuxième mi-temps. C'était la deuxième mi-temps. J'étais à digestion. Où t'as Jesse Moulin qui fait une sortie à la Lopez. Ah oui, c'est vrai. Et qui cartouche Habib Diallo. Ah oui. Gamero reprend le ballon. Il y a but, enfin il y a aucune raison de refuser ce but. C'est pas dans tout équilibre. De toute façon, jusqu'à la fin et qu'on se le dise, c'est pas à cause de l'arbitrage que Strasbourg est sixième ce soir. Que Strasbourg est quatrième ce soir grâce à sa victoire face à Paris. Mais grâce à Stéphane. Mais clairement ce match-là, s'il y a 2-0 à ce moment-là, parce que Strasbourg était quand même au-dessus. C'est plus la même. Ouais, voilà. Je crois que ça arrive avant le but. Hein. C'est un 0-0. Oui. Ouais, mais justement, si on marque plus tôt. Oui, mais après, t'as pas forcément de pénalty. Peut-être que 3. Tu changes. Le futur change. Voilà. C'est un match qui montre qu'on est quand même archi dépendant d'Ajorc. Ajorc était sur le banc sur ce match. Et en fait, c'est là où il a peut-être pas marqué. Il fait pas une super rentrée. Hein. Non, il fait une mauvaise rentrée, mais il a pas marqué quoi pendant une dizaine de matchs. Mm. Mais qu'est-ce qu'il est important dans le jeu hein, ah, parce oui. que dos au but. Oui. De la dans le pressing. Dans le pressing. Et clairement, alors Diallo marque aussi, hein, il faut pas non plus dire le contraire, mais dans le jeu. Lui marque ses pénaltys, ouais. On reviendra peut-être à Rennes. Rennes, sur la première mi-temps, il marque, mais à part ça, il touche pas un ballon. Hein. Mais il met son but. Contrairement à Gamero, que j'adore, hein, mais il met son but. Mais dans le jeu, on est dépendant d'Ajorc, et puis on le voyait à 3, hein, il y a des longs ballons. Et il y a personne à la réception assez souvent. Et ça donne une première mi-temps, on a beaucoup de ballons, mais pas d'occasion. Hein. Et puis à la fin, on a failli s'en prendre un ou l'autre. On a failli perdre. À la fin de la première mi-temps. Oui, mais on est quand même à deux doigts de perdre le match globalement aussi, hein, dans les arrêts de jeu. Mais ce que j'ai bien aimé dans ce match-là, c'est le petit Yara. Qui justement, il avait déjà fait une rentrée intéressante contre Lens. Et qui fait une première titularisation très très très honnête, sachant que c'était le dimanche de Pâques. Et moi, à sa place, j'aurais eu le seum aussi. Hein, parce il n'a pas pu chercher les œufs. Voilà, c'est ça. Donc finalement, il a cherché son carton, son premier carton chez les pros. Mais j'ai trouvé qu'il avait fait un bon match joueur, hein. et que là, ce match-là, par exemple, Sissoko ou Aoulou étaient un peu fatigué. Je les avais pas trouvés nuls, je les avais juste trouvés cramés complètement. Que c'était vraiment le match. Aoulou, ça fait quand même 2 ans. Alors, toute transition, tout trouvé avec le match de Rennes, où Aoulou fait une entrée incroyable. Mais Aoulou, c'est Yaya Touré sur ce match. Mais contre 3, par contre, c'était Yaya. C'est le vieux de la. C'était Rodrigo. C'est Rodrigo. Rodrigo. Rodrigo V2, non, il y avait une équipe un petit peu hybride. C'est où t'as Cassie qui joue quand même, non, parce qu'il joue jamais quasiment. Oui, il a pas de rythme. Et Cassie qui joue latéral droit sur ce match-là, qui est pas très convaincant. Il y avait beaucoup de facteurs qui faisaient que ce match-là, on sentait que Stéphane préparait plus la rencontre contre Rennes. Il l'a dit, hein. Ouais, voilà. Il y a plein de gens qui ont dit, c'est pas bien, il fallait jouer à fond contre 3. Ouais, mais on a un effectif, encore une fois, de 16 à 17 joueurs. Faut juste arrêter d'avoir trop d'ambition pour ce qu'on a, quoi. Oui, non, mais c'est ça, Diarra, il a 17 ans. Il a 18, je crois. Il a 18 ans, mais c'est un gamin. À un moment donné, de laisser les clés du du poste 6, qui est quand même un poste important en foot, un gamin le jour de Pâques, on le souligne quand en même fait, à la LFP s'ils nous entendent. Il est formé au Racing, donc ça va, il peut assumer. Oui, bien sûr. Formation de qualité. Non, mais c'est clair qu'il nous manque 2-3 joueurs pour vraiment... Bah, 2-3 joueurs pour assumer cette place. Pour jouer, pour pouvoir rentrer à la 60e, hein, ça nous éviterait peut-être les buts après la 85e, ou alors Marco demande, hein, en tant que futur président de la 3F, il demande que les matchs durent 83 minutes. Hein. Je pense qu'on aurait 7 8 points de plus. Hein, mais... Ah non, on sera Ligue des Champions. Hein. Ça serait intéressant, ça, à faire genre si les matchs duraient, bon, on peut dire 80 minutes, genre... Mais ce match-là, mine de rien, je pense qu'il faut noter qu'on le perd pas. Parce que on aurait pu le perdre à une certaine période. À la fin du match, après le penalty, il y a 2-3 situations où on arrive à endiguer les vagues troyennes. Je pensais pas dire ça un jour. Mais mais ce match-là, on ne perd pas et on ne perd pas le suivant. Après, est-ce que c'était pas tactique sur 3? Est-ce que c'était pas tactique? Une demande de Marc Keller. On donne un point à 3. L'année prochaine, ils sont toujours là. Il y a 4 descentes. Ah, on s'assure. Ça fait un matelas. Ça fait un club, voilà. Mais vous pensez vraiment qu'on va jouer le maintien l'année prochaine? Non. Bah, tu sais pas, si on joue la Coupe d'Europe, ça peut être, Mais, on recrutera ce qu'il faut. Ouais. On en parlera. Je sais pas, Est-ce que Stéphane reste ou pas? Ça, c'est la question, mais on en parlera après. On en parlera après. Mais on peut en parler juste après le match de 3, où justement, le paillassico a engendré le tour. Donc c'est là, c'est là où il a dit. Donc, il a dit, oh, je ne suis pas un paillasson. Voilà. L'accent breton. Oh, le garçon, on fait un bon match, hein, je vais pas partir maintenant. Là, c'est vrai que Stéphane a mis les points sur les i d'une manière inattendue. Franchement, je pensais pas qu'un... Il s'est énervé. C'est pas son style de s'énerver. Ouais, ça l'a vraiment mis en rogne. Ouais. Il s'est vénère, là, devant tout le monde, en disant, mais en fait... Mais avec une belle phrase, hein, quand ouais. même. Ouais, on n'est pas un paillasson. Je veux dire... Ça reste classe, hein, quand même. C'est Stéphane. Beaucoup n'auraient pas fait comme ça, hein, je veux dire. Alors, on pense à Frédéric Antonetti qui aurait pu dire... Quoi, tu as vu le match? Bon, peut-être qu'il refuserait pas Lyon, on a vu qu'il a moins de mètres. Moi, je lance aussi un appel, et ça, j'ai vu sur Twitter, il faut sauver Antonetti. Il faut qu'un club de Mais il resterait à Metz. Non, mais il faudrait qu'un club de première division le reprenne pour qu'on ait encore cette... Non, le mieux, c'est s'il est en Ligue 2. Avec Loret? Non, parce que sur Bein, la première match de Ligue 2, t'as les interviews des deux coachs à 10 minutes du coup d'envoi. Et c'est toujours génial, en fait, t'as toujours Loret qui raconte des punchlines. Non, mais là, les jeunes, ils font le match qu'il faut, hein. On joue pas la montée, nous, hein, c'est pas vrai. Voilà, par contre, on connaît déjà, par contre, notre... Mais... ça, c'est aussi dans le futur, un de nos futurs adversaires l'année prochaine. Et le Paris FC, ouais. Ah, Toulouse. Toulouse, plutôt. Mais le Paris FC aussi, enfin... D'accord. C'est plus difficile. Okay. Ah, je suis plutôt pour Sochaux, mais... Non, mais bien sûr. Je m'en fous. L'important, c'est qu'on n'aille pas à Toulouse. Mais tu veux aller à Ajaccio. Ouais, aussi, ça serait bien. T'as René Coty. Oui, ouais. C'est vrai qu'on connaît François Coty. Toulouse, mais Paris FC, pourquoi pas, ce serait rigolo. T'as pas fait encore? C'est le seul qui me manque. Ah mince, bah alors, Ajaccio doit monter. Ouais. Et Sochaux, c'est bien. Mais Sochaux, c'est bien aussi. Mmh. Et Toulouse, c'est lui. Paris FC, ça peut être sympa quand même. Ouais, le de retour à la Méno, ça peut être vraiment sympa. Oui, franchement, le Paris FC. Il mériterait une ovation. Franchement, il mériterait au moins une ovation. Un tifo. Un tifo. Un tifo avec la. Le truc de Metz, là. Le truc de Metz avec les deux sur toute la tribune ouest. Ça, oui, c'est ça, ouais. Franchement, ce serait. Si les responsables ultra nous aiment. Pascal Johansson, invité. Mais vu qu'il affrontera Julien Stéphane, qui restera à Strasbourg la saison prochaine, sur certains. Grâce à cette victoire contre Rennes. Grâce à cette victoire contre Rennes. Et contre Paris. Et contre Paris, hier soir. La doublette à la Méno. On sent qu'il était très heureux contre Rennes. Donc Rennes, la victoire. Mais je pense qu'il était. Le Stéphane Nico. Il portait une cravate. Je sais pas s'il a fait des feux à la fin à Florian Maurice, mais bon, voilà. En tout cas. Maurice est arrivé après, non? Non. Pendant. Il a démissionné en partie à cause de lui aussi. Ok. Parce que Létang était déjà parti. C'est le foot français. Après, Maurice fait du bon boulot. Hein. Oui, il fait du bon boulot. Il a une enveloppe beaucoup plus importante que Loïc Désiré, notamment, qui a recruté chez Florian Maurice, au hasard, Niamsi. Loïc Désiré qui était aussi contacté par Lyon. Aussi, c'est vrai. On n'a qu'à faire une Irola sur Racing. Mais justement, en fait, Marc Keller qui a été contacté par Lyon. Je pense qu'en fait, Stéphane Parce que l'article, pour ceux qui l'ont lu, était quand même assez assez équivoque. C'est-à-dire que Stéphane, Lyon s'intéresse à lui, c'est sûr qu'il allait partir à Lyon. Ben Stéphane était d'accord. Il aurait été d'accord, selon l'article, c'était sûr. Il fallait discuter avec le club, mais Strasbourg n'était pas au courant, blablabla. Que Stéphane ait mis cette mise au point là, s'il était si sûr de partir à Lyon l'année prochaine, ça veut quand même dire qu'il ira quand même pas à Lyon et sur la saison prochaine. Ça, c'est quasiment sûr. À la fin de l'interview de Troyes, on suit pas trop le conducteur, mais c'est pas grave. Si, si. On fait du flashback, c'est une émission, c'est un podcast. Mais à la fin de l'interview après le match de Troyes, où il déballe son truc, il dit aussi, maintenant, l'objectif, c'est de finir devant Lyon. Oui. T'as de combien, je crois. Mais alors, et pour faire le parallèle avec Thierry Loré, notamment, en termes d'ambition, je trouve que Julien Stéphane l'assume pleinement depuis beaucoup plus longtemps, et là, par rapport à Paris, il aborde pas le match en disant, ouais, bon, c'est Paris, ils vont pas boire du vin chaud, ouais, c'est Paris, ouais, bon, voilà, je vais mettre Dim arrière gauche, et puis voilà, et puis Gilbert à droite, non, mais bon, prenez votre tisane, hein, les gars. Ouais, c'est ça. Non, voilà, il assume qu'il y va avec ambition. C'est Paris qui a gagné le titre. Humilité et ambition. Ouais, mais même avec... Et travail. Mais, humilité et ambition. Mais même si ce sont des termes, là, pour le coup, c'est des disquettes, ok. Mais pour le coup, c'est un petit peu à l'image du Racing de cette saison. Ils pètent pas plus haut que leur cul. Les résultats positifs, ils sont positifs parce qu'ils ont mieux joué que l'adversaire. Généralement, il y a finalement ce qu'on disait en préambule de l'émission, c'est qu'on voit toujours le même match depuis quasiment un an. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais sauf qu'en fait, en fonction de l'adversaire, bah parfois on est meilleur et on gagne, et parfois on est moins bon et on gagne pas. Mais tout est mérité. Y a pas. C'est ce qu'on disait quand on était 12e à l'époque, quand justement tout début de saison, je me souviens d'une émission où j'étais là, on disait finalement Strasbourg est à sa place. Et là, on n'a rien volé. On n'a rien volé. Mais Strasbourg n'a rien volé cette saison. À part de, si on écoute les Lensois, mais bon. Oui bon. Mais le frère Rico, voilà. Frère Rico, affaire de famille, mais. Mais pour le coup, Strasbourg ne vole rien. Et Stéphane, je pense qu'il en est conscient. Et je pense qu'il kiffe, en fait, être là avec ses gars qui écoutent ce qu'ils disent, qui sont pas, qui ont pas trop d'égo. Il y a deux choses, hein. Lyon, ça reste quand même un contexte très très compliqué, hein. Oui. Il y a 40 000 personnes dans le club au-dessus de l'entraîneur. Il y a plus de personnes dans le club qu'au stade. Voilà. Et deuxièmement, la question, mais qui pouvait se poser aussi à un moment donné pour Loré, c'est-à-dire est-ce que, entraîner un gros club, c'est aussi gérer des stars, c'est aussi gérer tout un environnement, tout un contexte, est-ce que Stéphane a réellement envie de ça? Je suis pas sûr. C'est un autre métier, en fait. Ce qui veut pas dire qu'il ne tentera pas l'aventure, parce qu'à un moment donné, il a aussi le droit, entre guillemets, après avoir obtenu des succès à Rennes, après avoir obtenu le titre de champion de France à Strasbourg, après avoir été élu coach de l'année 2021-2022. Ce sera Pochettino avec, mais bon. Je veux dire, dans les cœurs, ce sera lui, et puis sur l'équipe, ce sera aussi lui. Mais c'est vrai que Lyon, c'est un contexte particulier, même un Peter Bosch, c'est un super coach, en fait. Mais il a jamais rien gagné, ce mec-là. Dans Lyon, je tout, mais bon. Avec cet argument. Mais il est super coach, il parle bien, quoi. Non, c'est un très bon coach. Mais Antonetti aussi, hein, super coach. Ah, les gars, arrêtez! Non, mais tu mets n'importe quel bon coach à Lyon, il réussit pas. Oui, c'est un contexte de merde, en fait. Bien sûr. Tu peux mettre, comment ça s'appelait, Perrin? Alain Perrin. Julien. Mais justement, on parle du contexte de merde de Lyon, mais il faudrait à un moment donné juste vraiment insister sur le contexte idéal de Strasbourg. Bah bien sûr. Il y a un environnement de travail qui est parfait quand t'es un footballeur professionnel. T'es jamais sifflé. Et quand tu perds des matchs, les gens ils te soutiennent quand même. Oh, la Nord, la Sud, ça dépend. Mais... Non mais on s'en branle, la Sud d'avoir Régis de chez. Oh, t'es un speaker à gérer, hein, de temps en temps, c'est pas. Mais bon. Oui, voilà. Mais bon, si ton pire ennemi c'est speaker, c'est qu'à un moment donné c'est que ça va. C'est que tu t'inventes des problèmes entre guillemets. La Nord et la Sud qui est des rageux qui viennent parce que leur. On ne sera plus jamais en Ligue 1, donc le speaker c'est sûr que c'est plus un problème. Il n'y en a plus des rageux Non, dans non. Sud. On les entend plus. Ouais, mais en même temps, cette saison-là, moi, et justement, c'est un petit coup de gueule, mais à un moment donné, les gens qui râlent en se disant, je sais pas, en se projetant dans l'avenir, en se disant, ouais, mais non, faut pas qu'on soit en Europe, faut pas qu'on gagne trop de matchs, ou même dans cette série de 12 rencontres consécutives, il y avait quand même des pisses froides, mais à un moment donné, les gars, arrêtez, quoi. Enfin, je veux dire, on a perdu contre Moulin 4-0 à domicile. Je veux dire, à un moment donné, ayez un peu de mémoire dans votre vie, quoi. Le Racing à ce niveau-là, même Gilbert Gress l'a pas connu. Si. Et en fait, Gilbert Gress l'a connu et il a relevé souvent en disant, moi, depuis que je suis parti, c'est jamais arrivé. Ben ouais, c'est pas arrivé depuis 79-80. Donc, non, 93, on a fini 8e. Mais avec ouais, mais là on est 5e depuis 13 journées. On était 5e depuis 13 journées. Faut arrêter quoi. Gilbert Gress en fait, peut-être. Est-ce que Julien Stéphan est le nouveau Gilbert Gress? Oui, bah est-ce que Julien Stéphan est juste le nouveau Julien Stéphan, surtout c'est le nouveau prophète. Mais Strasbourg, on a une saison de fou, on kiffe, allez, on s'en fout. S'il vient en manteau de fourrure à la dernier match. On peut envisager une statue. Je pense pas qu'il. Non, il viendra dans le cup. Il le fera quand on gagnera. Dans le parcage, Stéphane. Donc voilà. On a battu Rennes sur un super match. Par contre, on n'a pas parlé encore du match. Ouais, on a parlé de tout ce qui. Mais on s'est fait clairement dominer en première mi-temps. Et une vraie belle ambiance. Hein, faut quand même le signaler. Ouais, c'était incroyable. Et pour un mercredi soir, un meilleur public du monde. Hein, la deuxième mi-temps, enfin après la demi-heure après le but de Terrier. Ouais. La plus belle demi-heure de la saison. Mais incroyable, on les a étouffés. De manière très curieuse, parce que je pense que tout le monde, et les Rennais y compris, hein, se disaient que si Rennes égalise, ils ont fait le plus dur et puis ils vont dérouler derrière. Et d'ailleurs, quand Terrier marque, on se dit mais ça va être difficile. Mais surtout que moi, j'ai trouvé que Rennes, c'est la meilleure équipe qu'on a eu à la maison. De loin. Et on était encore au-dessus de cette équipe-là en deuxième mi-temps. Mais ça vous rappelle pas un match? Justement ce temps de latence de digestion d'un coup dur et ensuite une sorte de transe collective. Ça rappelle sa réunion en CFA. Mais en fait ça rappelle peut-être sa réunion en CFA. Ça non, rappelle non, non, c'est non, pas non, réunion en CFA ou le là oui là c'est vraiment qu'on perd. Moi ça m'a rappelé Lyon à une autre échelle, mais ça m'a rappelé le match de Lyon avec le but de Liénard à la dernière minute. Avec l'égalisation de Dacosta et derrière. Non, mais en fait, ça m'a fait penser au but d'Awar, le deuxième. Et là, d'un coup, on prend un coup, tout le monde prend un coup derrière la tête. Ouais. Parce que finalement, on se ça, prend un but, et tout le monde est là en mode. Bah ouais. Casse les couilles. Et en fait, en plus, c'est aussi en mode, genre, c'est la Ligue 2. Hein. Oui, mais non, mais là, mais de toute façon, en fait, finalement, la Méno a cette capacité de réaction depuis quelques saisons, où ils se disent, on prend un coup dur derrière la tête. Ok, on digère, on prend le temps de se dire que au final, ce qu'on vit, c'est trop cool, c'est trop bien. Et là, le public, il s'est mis au diapason, il s'est dit, ok, on s'en fout. Là, il y a Terry qui a marqué, il va mettre un triplé ensuite, mais on s'en fout, nous, on chante, on y va et tout. Il met un vrai beau but. Mais il met un but, il met un but au talent. Il met un but au talent, ce gars. Il était ouf chez nous. Il devait être de France. Il était ouf pendant 3 mois. Mais sauf que. Il avait 20 ans. Ouais, non, c'est. Non, il avait la tête à Lyon. Oui, il a 20 ans, il était faux au début, après le tout l'enchaînement. Mais il a fait transfert, J. Martin. Oui. Dit qu'il faisait que marquer à Strasbourg. Mais alors c'était intéressant parce que Martin s'est énervé au fur et à mesure aussi. Oui, Martin a changé son match. Il y avait ce côté où Strasbourg, ce public-là, le meilleur public du monde, clairement, il y a ce côté où le public a transcendé les joueurs dans des proportions où finalement on mettait tout sur le poteau. Et tu dis, n'importe quel club, tu mets tout sur le poteau, ça marchera plus. Sauf que là, tout le monde y a cru, il s'est dit, mais on va mettre ce putain de deuxième but. Mais je pense que c'est là qu'on voit que le public joue un certain rôle. Moi, je pense que le match à 3 ou à Lille, qu'on analysera plus tard, je pense qu'à la Méno, on le perd jamais. On prend les points à chaque fois. Ouais. Mais c'est vrai qu'à la deuxième mi-temps, on rate quoi? Deux ou trois grosses occasions. Il y a Gamero, il y a Niamsi, il y a Poto, il y a Barre aussi, il y a Gamero. T'as Persic à 3 qui met sa volée, sa fameuse volée qui doit la mettre une fois, mais. À Marseille. Sûrement à Marseille, ouais, en espérant. Pour lequel ils font Champions League, hein, après 3 succès de suite, hein, parce que. Mais ça m'a vraiment rappelé cette capacité de rebond après un coup dur, parce que quand Rennes marque, qui à ce moment-là dans le stade croit qu'on va gagner? Mais tout le monde en fait. Si. Non mais alors. Non, honnêtement, je pense que tout le monde y croyait encore. Mais il y a eu un contre-coup jusqu'au moment où tout le monde s'est dit. Non mais en fait, on est à Strasbourg. On a Julien Stéphan, on a Gamero, on a Ayorche, on a Gilbert. Il y a Gilbert qui se réveille. Hein. Gilbert fait une grosse deuxième mi-temps. Et surtout, et on en parlait avant, Jean-Eudes Aoulou, qu'on a critiqué depuis le début de saison, et qui fait une entrée. Alors pour le coup, c'était surnaturel. Mais il rentre à 2-1, parce qu'il rentre juste après le but. Oui, il rentre à 2-1. Ouais, mais il fait une rentrée naturelle. Mais il était incroyable. Ah, mais ce qu'on a enchaîné, on marque le deuxième et on sort Sissoko dans la foulée. Là, tu sentais qu'on voulait gagner. Hein, mais c'était fascinant. La rentrée de Aoulou était d'une c'était un moment un petit peu hors du temps, comme Da Costa qui met sa tête. Mmh. C'était un petit peu ça, c'était... mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce gars-là qui arrive... Et c'est à la fin qui sort une parade, quand même. Alors, ah, oui. Pas, peut-être certains diront qu'elle n'est pas dure à sortir, mais non. Bah, bien sûr que si, elle est dure à sortir. Certains diront qu'elle s'y avait vu à l'intérieur. Oui, non, mais pour celle, c'est pour celle qu'elle a bien regardé sous côté de Ligue 1, oui. Mais elle est dure à sortir. Faut quand même avoir la main ferme pour la mettre de l'autre côté, et pas à la relancer dans l'axe. C'est Matt Cels, il est ferme de partout. Notre vaillant belge. Donc voilà, un match. Alors, on peut aussi souligner qu'un match, bon, à 21h, c'est quand même plus du football. Hein, on a senti. Alors, c'était les vacances scolaires. Donc, ça a permis aussi aux enfants de venir voir ce grand match. Mais il y a quand même moins qui cherchaient des billets contre Rennes que contre Paris, hein. Oui, mais je pense que c'est le Racing. Non, mais c'est le Racing. Il y avait plus de billets à vendre, c'est sûr. Il y a plus d'enjeux contre Paris. Bah oui. Belle victoire, hein. Ce qui était intéressant, c'était aussi de voir la réaction des Rennais après le match, notamment des supporters qui, eux, n'y croyaient plus du tout pour la course à l'Europe. Par la suite, en se disant, ouais, on va s'effondrer. Bah, alors que, finalement, Strasbourg était juste transcendé, clairement, par la Méno. Là, le plus dur est à venir et on l'a vu contre Lille. On a vu la banderole aussi. Stéphane, je t'aime. Ah oui, oui. Ouais, mérité. Alors que contre les frères Lensois, aucunement. On célébrait notre amour, notre amitié. Les supporters rennais, quand Stéphane avait démissionné, ils ont mis des banderoles Stéphane dans toute la ville. Hein. Il y avait une dizaine de banderoles réparties un peu partout à Rennes. Ouais. Non, mais je pense que c'était un peu un enfant du club, comme on dit. Mais il avait vraiment... qui peut ne pas aimer? Henri le voulait comme adjoint à Monaco. À Monaco. C'était dans l'article de présentation de Jean-Stéphane sur Ochtoub. Mmh. Ouais, très bel article. Très bel article. Franchement, bien écrit. Comme tous les articles sur Ochtoub. Du coup, il a du fleur, Stéphane, de ne pas être allé à Monaco. Ouais. Oh, pour l'engouement, tout ça. Ouais, la passion. Et donc, on se présente à Lille, le champion de France en titre, jusqu'à ce moment-là. Ah, il est toujours. Donc, il y a des meilleurs joueurs que Strasbourg. Sur le papier. Bon, si. On a un meilleur entraîneur. Oui. Mais l'effectif est. Mais un entraîneur qui, à Lille, ne peut pas réussir, parce que d'emblée, il est discuté. C'est pas possible qu'il réussisse. Hein. Mais bon, on arrive quand même relativement. Enfin, pas confiant, mais on se dit qu'il y a un coup à jouer. C'est ça le problème. On a les armes pour battre Lille. En fait, c'est simple. Le Racing a battu Rennes, qui était, à mon avis, un adversaire bien plus costaud que Lille. On arrive dans un contexte où Lille, c'est la crise, puisque les supporters font grève et puis sifflent leur équipe. On arrive avec une équipe qui n'a quand même plus grand-chose à jouer, parce qu'elle est assez distante à l'Europe. D'ailleurs, ça m'a un peu énervé des commentateurs télévisés qui arrêtaient pas de dire que, genre, Lille jouait, tu sais, son batou pour l'Europe et ils peuvent encore accrocher l'Europe et, genre, alors qu'il y a des mecs qui sont à la ramasse totale. Ouais, genre, c'est pas faux, enfin. Bah, c'est pas faux si gagne. On est dans un championnat tellement homogène que même Metz peut encore jouer l'Europe, hein, s'il gagne tout. Non, mais bon. Mais Bordeaux un peu. Non, mais partout on disait, ouais, les Lille, on s'en va les couilles de Lille, genre, l'équipe qui, sur ce match-là, peut jouer la Champions League, c'est Strasbourg. Mais l'équipe qui est trop gentille, c'est Strasbourg aussi. Thomasson, en première mi-temps, a une situation énorme où il doit trouer le filet et il fait la passe. Et c'est un petit peu ce que Ajorg fait beaucoup cette saison aussi, c'est trouer le filet. Et non, en fait, il veut jouer collectif et ça porte préjudice presque à l'équipe parce qu'il veut faire la passe, il veut faire le truc collectif, il veut récompenser le copain. C'est là où Diallo est bon, parce que Diallo, quand il faut la mettre... Parce que Diallo, il joue 3 fois moins, mais il plante en 2 buts. Mais oui, moi, je l'ai vu dans un troquet, et les gens, ils ont tous gueulé, genre, non, mais pourquoi tu fais une passe, genre... Mais malgré ça, le Racing a pris le match par le bon bout, et la prestation est aboutie, il manque que la finition. Mais on en revient à ce problème d'enjeu, enfin... Mais là, c'est plus dans le jeu. Parce que dans le jeu, ça va. C'est vraiment dans le dernier geste. Non, mais l'avant-dernière passe, on se crée pas tant d'occasions que ça. À Lille, on tire pas tant que ça. Il y a quand même 4 occasions. Ouais, mais pas net. Enfin, je pas. Je fais pas forcément du match avec des regrets en disant on a raté une énorme occasion. Enfin, bah, si, moi, si. Il y a le poteau de Gamero, il y a en deuxième mi-temps Thomasson qui fait une frappe, qui rate sa frappe sur le goal. Qui frappe sur le gardien? Oui, tu frappes sur le gardien, mais c'est pas une occasion. Mais en fait, Lille laissait vachement d'espace. Hein. Leur milieu était coupé. Hein, et on avait des situations qu'à mon avis, qu'on joue pas forcément très bien, Il y a la tête de Ayer, bon là, c'est un peu moins évident, où il, sur le gardien, oui, le portant. Oui, il donne pas corner, hein. Il donne 6 mètres, hein. Ouais, mais il est complètement excentré, enfin, ouais, je sais pas, bon, ça... Mais Lille a pas vraiment d'occasion, voire pas du tout, hein, donc, oui, c'est pareil. Ça, ça doit finir en 0-0, en fait. Ouais. C'est un mauvais renvoi de Niamsi. Le maudit. Ouais. Ouais, mais c'est Gilbert aussi, hein. L'instar de Liénard contre Lyon, hein. Il y a Gilbert sur le côté qui sort, à mon avis, de manière trop ambitieuse, hein. Et en, en sortant comme ça, il laisse le mec complètement seul à droite. Et le mec, il a tout le loisir de centrer. Puis après, effectivement, il est touché par Niamsi. Et puis, ça finit sur Tchelik, hein, je crois, qui nous avait déjà mis un but à la Meno l'an dernier. Hein, si oui, la saison dernière. Il a mis un beau but, hein, une frappe. C'est le nouveau Léo Dubois. Ouais, c'était une frappe, mais c'est parce qu'on avait mis Bingo Camara au but. Tant que ça devient pas Toko et Kambi, ça va. Hein, mais... On a Delors, hein, qui marque pas mal aussi contre nous. Mais de toute façon, Cédric va risque de partir de Lille, enfin comme moitié d'effectif de Lille. Bah il va venir à Strasbourg pour jouer l'Europe. Hein. Non, on peut trop mieux. Moi, je suis quand même très déçu à la sortie de ce match. Mais comme beaucoup de gens, ouais. Mais c'est normal d'être déçu. Mais d'un autre côté, c'est un petit peu quand même à l'image de notre saison. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on marque pas les buts, mais on marque pas parce que les mecs sont fatigués. Fin... Mais il y a quand même là où il y a une forme entre guillemets de victoire, c'est qu'on arrive à être déçu d'une défaite à Lille chez le champion de France. Oui. Et ça, finalement, ça reste quelque chose en début de saison, en ayant accroché difficilement au maintien lors de la dernière saison, on se disait waouh. Mais c'est parce qu'on perd chez un adversaire moins bien classé que nous. Mais oui. Bah, c'est différent. Mais c'est aussi parce qu'on est bien classé. Oui. Finalement, on a plus d'adversaires moins bien classés. On relativise aussi. Mais après, oui, une déception quand même, parce qu'il y avait matière à mieux faire à Lille, c'est clair. Mais vu qu'on a fait mieux à Paris, là, contre Paris, c'était tout est rattrapé. Enfin, c'était vraiment juste un petit caillou dans la chaussure et cette victoire 4-0 là face à Paris, ça a quand même fait du bien. Mais après le match de Lille, de toute façon, on restait quand même en bonne position au classement. Mais on quitte le top 5 pour la première fois depuis 14 journées. C'est vrai. Mais et du coup, on n'est pas content. Ah ouais, avant ce match à Paris, on sent les joueurs avant l'interview d'avant match, on sent les joueurs, l'entraîneur qui veulent une petite revanche à prendre. Ouais, mais ça c'est nouveau aussi dans la manière de gérer le collectif où il y a beaucoup de joueurs qui étaient quand même là l'an passé et de se dire que de nourrir cette ambition finalement dans le management, là on parle vraiment de management pur et dur, hein, de nourrir l'ambition de joueurs comme Cels, qui est international, de Ajor, qui est quand même là depuis plusieurs saisons, qui marque des buts, de se dire que ces gars-là, ils veulent quand même arracher quelque chose à Strasbourg, où ils savent que le public va toujours être là derrière, c'est quand même la différence fondamentale par rapport aux saisons précédentes, où à chaque fois, on était bon, il y avait le public qui était là, mais il y avait une sorte de « non, il faut pas trop en attendre de cette équipe-là ». Bah, force est de constater que si, on peut en attendre de quelque chose de cette équipe. On est déçu parce qu'on perd contre Lille. Donc quelque part, ça veut dire que il y a une attente. Ouais, mais qu'il y a une attente qui est aussi nourrie par les joueurs eux-mêmes parce qu'ils peuvent faire mieux. Contre Lille, Thomasson il trouve le filet en première mi-temps. On parle plus de Lille en deuxième. Hein. On fait 3-0, basta, et on rentre chez nous et Lille se fait conspuer par les Frérico machin, tu vois. Et on en parle plus et on a éliminé un autre concurrent direct pour le mais finalement à Strasbourg rien ne sera jamais simple non plus. Ah mais ça on sait. Ça je pense qu'il faut aussi l'intégrer et il faut juste kiffer ce qu'on vit. Enfin qu'on arrive 7e, 8e ou 5e, 4e ou 3e, c'était peut-être le débat d'après, hein. C'est ouais, de la place. J'ai une question, hein, du bien nommé Calcio 90. Ah. Combien de points il faudrait pour finir dans le top 5 sur les matchs restants? Sur les 4 matchs ou c'était 3 matchs? Les 3 et demi. À la mi-temps, là, contre Paris. Je pense 9, pour être sûr. 9 sur 12. Ouais. Là, parce qu'il y a des confrontations directes. Il y a beaucoup de confrontations directes entre beaucoup de clubs. Ouais. Après, ça dépend qu'est-ce que c'est que place européenne. C'est à 5e, c'est à 6e. Moi, je disais top 5. Top 5. Mais Lille, il joue Rennes. Lille a un gros Monaco. Est-ce qu'ils jouent encore Marseille? Ouais, mais Lille, ils sont encore assez loin. Oui, mais n'empêche que Lille, qui vient de se relancer, Nantes joue aussi Monaco, je crois. Enfin, il y a vraiment pas mal de confrontations directes. Mais c'est pas un cadeau de jouer Monaco en ce moment. Ouais, Monaco a un calendrier relativement abordable. Je pense que Monaco finira devant nous. Oui. Bah, vraiment, si on doit accrocher une place dans le top 5, ça sera la 5e place. Hmm. Enfin, les 4 premiers, PSG, Marseille, Rennes. Paris, on les rattrapera pas. Non, je crois que c'est mort. Malgré la victoire. Malgré la victoire hier avec c'est la. C'est dommage, on a déjà joué un peu trop tard, c'est tout. Marseille, c'est dommage, hein, parce qu'à la mi-temps contre Rennes, c'est hors jeu de perdre. Mais Marseille, ils sont aussi. Marseille, c'est fini. Mais Rennes mérite d'être dans le top 3. Oui. Ouais, mais il mérite, mais c'est pas sûr qu'il y soit. Mais Rennes le mérite. Franchement. Ne serait-ce que pour nous ordonner Julien Stéphane. Aujourd'hui, il le mérite. Hein, il reste 4 matchs. Hein, donc. Et Niamsi, hein, c'est vrai qu'on parle pas assez de Niamsi, qui est peut-être, qui avait la meilleure note à la mi-saison, hein, si je ne m'abuse, hein, selon le quotidien sportif, l'équipe. Il n'est pas premier dans le baromètre de la saison, pour l'instant, qui est pas très loin. C'est qui est premier? On le dira pas. Non, c'est ceux que l'on sait. Filzer. On en parlera à la fin de la saison. Mais en tout cas, ouais, il y a donc les 4 premiers, PSG, Marseille, Rennes et Monaco, ils seront sur les 4 premiers. Et après, ça va se jouer entre Nice, nous, et ouais, Lens, mais... c'est un peu loin. Bah, Lens, c'est comme si c'était nous, ça... c'est bon. Lens, c'est comme si c'était nous, on fait tout en silence. Si un des frères Rico et... Nira, Bollard, de l'Hélice. Avec notre perruque et notre trompette, à la lançoise. Mais oui, on chantera les corons. Ouais. On lancera des aux armes, tous ensemble. Non, mais en tout cas, moi je pense qu'au niveau du classement, je pense qu'on peut finir dans le top 6. Après, est-ce que la 6ème place sera qualificative? Ouais, mais ça rapportera plus de bif. Ouais, oui aussi. Mais il vaut mieux finir 5ème et je pense qu'il y a, moyen. Mais mine de rien, ça serait mieux quand même. Mais mine de rien, on est quand même toujours plus proche de la 3ème place que de la 8ème place de Lyon qui nous suit. Et mais enfin, moi je trouve ça fou que depuis, à chaque fois on regarde derrière, alors que toutes les équipes qui ont affronté Strasbourg, et même Galtier l'avait dit pour mettre la pression entre guillemets, mais Strasbourg, ça reste un des challengers très intéressants de la saison. Mais je crois que c'est pas tant que ça pour mettre la pression, parce que je pense que la MNE, Strasbourg, c'est une équipe difficile à jouer. Hein. Mais c'est plus que difficile, ils perdent plus que depuis Marseille, et Marseille, c'est la seule équipe qui a pris Strasbourg au sérieux, je trouve, à la MNE. Ah, ils sont tous mis derrière. Mais sans, j'allais dire, sans proposer un vrai plan de jeu où on n'a pas vu le ballon. Mais Marseille a pris Strasbourg au sérieux. Oui. Marseille, quand ils sont venus à la Méno, on s'attendait à explosion de buts. Leur président l'an dernier qui disait que les entraîneurs français étaient trop défensifs, etc., etc. Il n'a pas dit ça dans ces termes. C'est ce qu'il a dit quand même. Hein. Peut-être pas dans ces termes. C'est l'interprétation que t'en fais. Ouais, il a un peu dit ça quand même. Bah, je sais pas, tu parles d'Antonetti, tu parles de Galtier, c'est des coachs défensifs. Non, c'est des coachs français. C'est pareil. Sauf Julien Stéphane, notre. Antonetti défensif, il prend pas mal de buts. Non, mais Julien Stéphane, Julien Stéphane, c'est un manager français. C'est quelqu'un qui sait manager. C'est un saint. C'est notre maître. C'est notre maître. C'est donc ton ami. Bah oui, voilà. Et donc, du coup, est-ce qu'on peut parler de ce coup de maître face à Paris, à la Méno, avant-hier, ou hier, ou. Est-ce que cette composition vous a pas un petit peu surpris au début du match? Ah bah de jouer en 3-5-2 en 2-7-1, ça je sais pas. Non, ça pouvait pas être pire que la compo qui a été mise au Parc des Princes la saison dernière quand on perd 4-0. En décembre, ouais, en 7-2-1. C'était, oui, là, pour le coup, c'était un 7-2-1 avec Simakan qui était un deuxième gardien de but. Qui a eu un 9 sur 10. Qui a mangé Mbappé sur ce match. Ouais, mais qui a, ouais, oui. Faudrait qu'on le reprenne rapidement. Faut faire comment basket, après, hein, reprenne vite un mec pour un match. Juste. Non, mais c'est la victoire à la fois du public et à la fois de l'ADN. Je pense, du Racing cette saison. C'est la victoire du football. C'est la victoire du football. Je pense qu'on peut parler de victoire du football malgré l'arbitrage de Rudy Buc. Oh, ça va, le troisième pénalty qu'il nous cite. Non, mais au bout de 15 minutes d'arrêt de jeu, à un moment donné, je pense qu'on peut se poser des questions. Ouais, mais ça va, on menait 7-0. Oui, c'est vrai. Mais bon, après, voilà, il a quand même tout fait avec les 7 pénaltys. Enfin, t'en parlais de 3, moi j'en ai vu 7. Ah, le coup du scorpion de Cels sur le troisième de Mbappé, c'était pas mal. Rudy Buc qui était l'arbitre du 2-1. Oui, c'est ça, exactement. Ah, les planètes étaient trop alignées. Hein, mais ah, c'est vrai. Mais c'était génial, la méno cuvette en mode tout le monde défendait. Tout le monde était debout, défendait derrière Oukidja. Et il y avait, j'avais lu ça, je sais plus où, le match était retransmis en Argentine. Et t'avais... Non, mais il était retransmis dans le monde entier. Ouais, mais c'était pour un Messi. Non, c'est arrivé en 2017. En 2017, c'était pour un Messi. C'était pour voir le futur club de Messi. Et le commentateur argentin disait à la fin du match, même le maire de Strasbourg défend. Enfin, tout le monde défendait, quoi. Mais c'est ce qui était l'impression du COP. À l'époque, c'était vraiment que tout le monde était debout en mode souffler si la balle allait venir, ouais. Genre souffler derrière le but. Ah, fallait aider Oukidja à l'époque. Et Camara. Ah non, lui, il était sorti. Bah, il était sorti. On a quand même eu deux gardiens ce match-là. Ouais. Ah non, c'est il a eu droit à deux gardiens. Mais pas en même temps. Une dérogation de la Ligue, ouais, c'est ça. Ouais, deux gardiens. Le Racing, il a gagné, mais c'est parce qu'il avait deux gardiens. Mais c'est ça, il y avait deux goalkeepers. Mais donc, sur la fin de saison, juste la question, si on finit 7ème et qu'on se qualifie pas en Coupe d'Europe. Est-ce que c'est quand même pas? Est-ce que c'était une bonne saison? Non mais là on peut remettre le débat. C'est-à-dire qu'à un moment donné il y a une conférence ligue, merde, c'est le 7ème, non mais accéder, ça fait yesh. Hein, non mais c'est la question, c'est le sens de la question. Est-ce que tu seras déçu ou pas? Bah oui. Est-ce que tu n'auras pas vécu une belle saison? Mais en fait, c'est des questions plus globales. Il y a tout un contexte. C'est-à-dire que vu la saison dernière, vu ce que le Racing nous propose depuis 3-4 ans, finir 7ème de première division, c'est génial. Oui. Beaucoup ne l'ont pas vu maintenant. Quand tu prends cette saison et qu'on a été top 5, top 4, presque top 3, ouais. Presque top 2, presque top 1, ah non, presque champion, ça resterait quand même une petite déception. Ah, je sais pas. Subitement, il y aurait une déception. Ce serait une déception sur la saison. En revanche, je pense que si on est dans une logique de progression, c'est la première brique de notre titre de Champions League qui arrivera d'ici 5 ans. C'est pas la première brique. Grâce à... La première brique, c'est François Keller, mais, c'est Jackie Duguay-Pérou. Mais c'est non, mais je parle de cette transition du niveau bière à la buvette au football champagne qu'on nous propose maintenant. Alors Thierry Lauré a fait les fondations. Exactement. Non, je suis d'accord. Thierry Lauré était le bouchon qu'on a débouché. Il y avait Julien Perrin d'abord. David Lévy. David Lévy qui était présent au match contre Rennes. Oui. Et qui a marqué, je crois. Non, c'est. Mais après, ce serait un peu l'inverse de la saison de Ligue 2. Hein. On a été top 5 pendant longtemps, etc. Et dans les dernières journées, on est premier. Ouais. Un peu par hasard aussi, hein, c'est pas trop honnête. Hein. Et puis, on lâche pas. Mais en perdant effectivement le dernier match contre Bourg-en-Bresse, on aurait été 5 ou 6ème. Ouais. Mais en vrai, le seul problème de cette équipe, c'est qu'ils ne marquent pas. Mais je pense que les joueurs, ils y croient. Hein. Je pense qu'ils y croient. Ils ont un classement européen. Ouais. S'ils ont fait 12 matchs consécutifs sans défaite, c'est 11, que 11. Eux, de 11, pardon, 11. C'est 11, le 12ème. 11, ouais, c'est au Racing, c'est d'autres chiffres. Le 12ème, c'était jusqu'à la 85ème. Nous ne sommes pas 11, mais des milliers. Mais là, pour le moment. Ouais, exactement, tout est sur. Nous ne sommes pas 11, mais 12. C'est d'ailleurs le. Non, ce sera pas hier. Ça, c'était pas hier. Mais je pense que les joueurs sont convaincus et intimement convaincus. Et même le coach, les a conditionnés. Qu'ils seront en Europe la saison prochaine. Et moi, j'y crois depuis longtemps. Mais j'y crois qu'ils seront beaucoup plus. Libre, tu prends 4-0 à Brest en une semaine. Sinon, t'es Montpellier. Non, ils seront pas en roue libre. Mais à quel moment ils ont été en roue libre pendant 11 matchs? Mais justement, ils sont pas en roue libre parce qu'ils y croient, les mecs. Oui, mais parce que finalement, contre Lille, s'il y avait ce truc de ce relâchement après Rennes, on aurait pris 3-0. Là, on perd 1-0 sur un coup du sort parce qu'on n'arrive pas à le mettre, le but, mais on n'arrive pas à le mettre depuis 10 matchs. Oui. Ça, c'est notre limite. Mais par contre, on gagne des matchs. On a pris 18 points entre 18 points sur 30 en 10 rencontres avant 3, je crois, quelque chose comme ça. Moi, je trouve ça énorme. Oui, mais c'est normal. En fait, encore une fois, il reste 4 matchs. Enfin, 3 sans compter le PSG qu'on a gagné. 3,5. Enfin, bref. 3,9. Mais c'est comme si on n'y croyait plus. Mais si, mais les joueurs y croient. Les joueurs, je pense qu'il y a certains supporters qui se disent « Ouais, yo, on a perdu contre Lille. C'est bon, on va descendre. On va descendre des NCG, hop là. » Mathématiquement, on est maintenu. Oui, mais depuis longtemps. Oui. Mais je crois qu'après, avant le nul contre Lorient, on était maintenu. Oui, c'est ça. Quelque chose comme ça. C'est vrai qu'on a même pas vraiment regardé quand on était maintenu. Oui, c'est vrai. On a quand même regardé en haut tout en ayant quand même un coup de rétro. Faut quand même penser à notre région voisine, la Lorraine, hein, qui va perdre donc Metz en Ligue 2, mais qui va aussi perdre Nancy, qui va aller en National. Nancy pour le football, je crois. Et la réserve de Metz qui risque de descendre en NBA. Et la réserve de Metz risque, et puis Sarreguemines, et puis. Sarreguemines est en R1. Et puis, ils vont descendre à R2, c'est sûr. Mais je tenterai la charbon qui ferme, enfin, c'est la merde. C'est ça, il y a Voipi qui va descendre en D4. C'est incroyable. Non, c'est. Il y aurait qu'Épinal, là, le plus grand club. Ouran. Raon va pas monter, c'est Colmar qui va monter en. C'est Colmar qui va monter. Mais il faut y croire. De Jérémy Grimm. Hein, il faut y croire. D'Abdelak Belhammer. Et d'Abdelak Belhammer. À qui on passe le bonjour. Mais... hein, qui ont posé quand même les premières bases. Oui. Ils ont fait le terrassement. Avant Julien Perrin. Ouais. Ils ont fait le terrassement à l'époque. C'est ça. Des fondations de la grande maison du Racing. Bah, il est venu à la saison qui n'existait pas. Donc quand même, un petit prono sur ce match de Paris qui a eu lieu hier. Ah bah c'est facile à faire, hein. Il suffit juste de voir le résultat. 3-0. Le même score qu'à Monaco. Pour Paris ? Ouais, c'est ça. Dans la musette, c'est 3-0. Ils vont rentrer au Parc des Princes avec 3-0. Non, mais c'est 3-0 pour Paris ? Non, pour Strasbourg. D'accord. Ouais, un petit... Non, 2-1, comme à l'époque. Ouais. Les auditeurs sauront le résultat, mais... Bah justement, c'est ça qui est intéressant. C'est difficile. Moi, j'ai envie d'y croire. Hein. Franchement, je suis remonté à bloc par Julien Stéphan, là. Et je crois que Paris n'a pas gagné 9. Oui, c'est ça. 9 de ses 12 derniers matchs. Derniers matchs le match suivant le titre. Je dirais un 3-1, comme à l'époque, avec un Niang. Avec un triplé de... Et Stéphane Pichot. Et je pense que c'est la saison pour les... c'est la saison pour les prendre, parce que vu qu'ils jouent plus au foot depuis... depuis 3 ans. Depuis le coup d'envoi de la saison. Et qu'ils ont gagné grâce à plein d'autres facteurs que juste leur talent. Oh là là, des complots. Non, puis il y a Mbappé, qui est le Messi, pour le coup. Après Julien Stéphan, c'est la deuxième personnalité la plus importante. Non, c'est David Lédy. Oui. Enfin, imaginez, Stéphan Mbappé. Stéphan Mbappé. En équipe de France. Bah, Mbappé est libre, hein, quand même. On ne sait pas où il a signé. Pourquoi Stéphan ne dirait pas, après le Racing, je prends l'équipe de France? Et pourquoi Mbappé, après le PSG, n'irait pas, je prends le Racing? Je passe le relais à Zidane pour le Racing, pour la Ligue des Champions. On fait comment, on a trois attaquants, déjà? Bah, on envoie... À Laurent Blanc. Mais on joue en 4-2-4, comme à FIFA. Hein. Il devrait gagner sa place, hein, Mbappé, s'il vient chez nous. Mais bon. Et il doit faire du travail, enfin, comme Gamero, mais son jeu. Et on joue en 4-2-4, tu mets Mbappé à droite, tu mets Gamero à gauche et à Jordi Diallo devant. Puis au milieu, tu mets Persic, et puis. Et débrouille-toi, ça. Persic Jara. Puis Sissoko, on le refait descendre arrière-gauche, hein, puisqu'on n'a plus d'arrière-gauche, hein, avec le départ de Cassier. Alors, Delaine. Maxime Bastien. Alors, on peut en parler, ça a été souligné. Mais il va monter en Ligue 2, lui, hein. Bien sûr. Parator, Maxime Bastien, qui est le gros joueur de cette équipe de, c'est quoi, Annecy? Annecy. Alors, gros joueur, peut-être pas, mais oui, c'est titulaire indiscutable. Indiscutable, qui fait 30 matchs, je crois, c'est ça, t'avais dit? C'est ça, 30 matchs. Sur 34, là, ouais. Bah non, enfin, sur 31, il a raté juste un match en suspension. Bah, c'était le match de Pâques, il était chez sa grand-mère. Pour les ouf-tros. Annecy qui est deuxième en national et Maxime Bastien effectivement qui est un titulaire qui a bien progressé. On peut parler des joueurs prêtés si tu veux. Hein, Est-ce qu'il a joué en une déjà Maxime Bastien? Jamais. Hein. Non, en match amical, mais en match officiel jamais. Sinon, bah il y a Marvin Senaya qui joue à Sochaux. Mais il est pas tout le temps titulaire. Non, il est rarement titulaire, mais il a fait sa vingtaine de matchs et en D2 c'est déjà pas mal. Endur par contre. Et souvent titulaire et il a une qualité de centre qui alors qui est discutable, endurable. Je suis allé voir, j'étais au stade pour Sochaux-Toulouse parce que j'étais en Franche-Comté ce jour-là. Tu veux te faire mal en fait, hein, Sochaux-Toulouse. Bah c'est un beau match de Ligue 2 mes voisins de tribune se moquaient de Endur. J'étais assez triste de ça. Mais non. La preuve que les Sochaliens sont des cons. Non, ouais, c'est clair. Franchement, là, pour le coup, ils ont rien compris. Ouais. Il y a un article sur Endur, sur le Stoop, je dis ça comme ça, mais... C'est vrai. À son départ. Mais ouais, après, les joueurs prêtés, il y a Messidi aussi qui fait un mais très juste bon une match, question sur Endur. Est-ce qu'il centre mieux? Non. Non. Ouais. Mais alors, du coup... s'il a réussi un centre contre Toulouse, c'est vrai. Devant moi. Messidi, ça donne quoi? Concrètement, c'était l'énigme de l'an dernier. Bah, Sibi, il joue un peu moins ces derniers temps, mais il avait une période de une quinzaine de matchs où il était titulaire indiscutable au PFC. Après, la vraie question, c'est de savoir si tous ces joueurs prêtaient finalement en Ligue 2, hein, vu qu'on est en train de côtoyer les sommets du foot français. Est-ce qu'ils auront encore leur place chez nous? Bah, un Senaya, Chahiri, qui, alors bon, c'est un peu différent, parce qu'il revient d'une grosse blessure. Mais Chahiri, qui était énorme à quand, je veux dire, est-ce que tous ces joueurs qui finalement sont prêtés en Ligue 2, ils ont un avenir chez nous? Chahiri et Sibi peuvent servir de monnaie d'échange, hein, enfin. À quand on suit Jesse Deminguet, c'était sorti dans l'équipe. On peut faire un petit échange avec Chahiri. Au PFC, on suit Mustapha Nam. C'est une info Radio Stube. Mustapha Nam. Voilà, Mustapha Nam. Que, voilà. Le milieu de terrain ? Oui. Et voilà. Et il a quel âge, lui ? Il a 25 ans, il est assez je sais pas, jeu. Okay. Mais on suit Ligue 2 de Sochaux. Rasoul Ndiaye, j'aime bien, j'adore ce joueur. Oui, il est bon. Hein. C'est le cousin de Mustapha Nam d'ailleurs. Et il fait du corps. Il fait du corps. J'ai vu ça dans un article. Abdallah Ndour et Weisbeck, ce seraient des joueurs intéressants pour le Racing. Aneba, oui. Aneba aussi, oui, ça va. Ah, mais Aneba, je trouve que c'est vraiment un des gâchis de ces dernières saisons parce qu'à chaque fois que je l'ai vu jouer, je l'avais trouvé défensivement. Souverain. Bah, le match au Paris, au Parc des Princes. Mais à Lille, oui, quand aussi. Il avait joué à Lille, arrière droit, où il dominait son adversaire, quand on fait 0-0 là-bas, le nul miraculeux, mais à Aneba, il était bon. Au Parc des Princes, en Coupe de France, le fameux match où Neymar blesse face à Zemzemi, et voilà. Le Niortais. La fameuse histoire. Aneba est excellent sur ce match-là aussi, en jouant arrière droit. Mais défensivement, c'est un super joueur, c'est un des meilleurs défenseurs centraux de Ligue 2 cette année. Mais c'est pas étonnant. Moi, j'ai franchement à chaque fois je me disais qu'est-ce que ça donnerait les joueurs s'ils étaient à leur poste. On pourrait les acheter. Hein. C'est dommage qu'on n'ait jamais ces joueurs dans notre équipe. Bah, si Sochaux monte pas, ça peut être un club satellite. Franchement, on aurait pu avoir un international cette saison. Mohamed Sochaux. Mohamed Sochaux. Aussi Sochaux. C'est ouais. Donc voilà, je vais prêter qui. Donc il y a Hugo Camara qui a joué en Père Belgique aussi. Voilà, on l'a dit avant, je sais pas, on l'a dit à quel moment, Motiba. Ah, Motiba à 3, oui, c'était en off. En Ligue 1. Motiba à 3 qui fait son. Mais qui a été élu joueur du mois. Hein, joueur du mois de mars à 3, oui, tout à fait. Tu as peut-être entendu en conférence de rédaction. C'est ça, la conférence de rédaction. C'est un joueur du mois de mars à 3. On travaille les émissions, hein. Les auditeurs ne le sachent pas, mais on travaille les émissions. On a raté le match du PSG pour préparer l'émission. Exactement, voilà. C'est vous avez des places contre Paris. D'accord, bref. Alors j'ai encore deux petites, parce que là mine de rien l'horloge avance. Alors, combien de temps recule, flash forward, 9 alors j'avais un petit Stéphane d'émission. Ouais, mais je peux pas le dire. Stéphane d'émission. Je t'aime. Là, il est fabuleux. C'est incroyable. Il ne prend aucune mauvaise décision. Si, alors. Si, contre Lyon, j'ai trouvé son coaching pas bon. Et moi, contre Troyes et contre Lille. Contre Lille, il avait un. Son style vestimentaire, ouais. Il avait dû laisser aller. Il avait un pull à capuche de nouveau. Ouais. Ça avait marché à Angers. C'est à quel match qu'il a mis un pull grenat? Il y a un match où il avait un pull grenat. Attention. Mais ça, c'est dans les fiches radio sur Racing. Ah, on pourrait l'inviter. Ça, ouais, je pense que le style vestimentaire, c'est ultra important. Au lieu de faire des fiches pour l'équipe féminine, hein. Consultez ça sur le YouTube. Le style vestimentaire du coach. Sachant que Thierry Lauré était toujours bien habillé aussi. Oui, c'est vrai. Et il rabillait bien les joueurs aussi. Ouais, hein, bah, il rabillait tout le monde. Et même les journalistes. Hein. Mais ça, c'est Jaggy Duguay-Pérou qui, pour son dernier match, en remettant le costard de Liverpool. C'est vrai. Contre Dunkerque. Il avait remis le costard de Liverpool. Oui, il l'avait dit, oui. C'est ouf. Donc c'était un costard Racing, hein, en plus du truc, et il l'avait remis, et donc il avait donné le ton. Avec le but de Dounyama à la dernière seconde. Oui, sur le centre de Sabot. Ah, c'était à quel match qu'on a joué en rouge? C'est à 3. Ça fait un moment. Hein. Oui, c'est à 3. Bah, à 3. Non, à la Meno. Il y a un match à la Meno. Non, c'était à 3. À 3, on a joué en rouge. Oui, mais à la Meno, il a mis un match. Il avait le plus grenat. Peut-être qu'il y avait pas le plus grenat. Il y en a peut-être un autre. Il y en a peut-être eu deux pour le prix d'Orion, peut-être. Non, en plus, c'est la Meno, ça. Non, l'Orion, on avait joué en bleu. À la Meno, il avait ce pull. Il a poussé le vice jusqu'à la Meno. Bon, après, moi, j'ai un pull similaire, donc. Shame. Voilà, c'est honteux. Ouais. J'ai un non, mais qu'il aille à Lyon. Non, qu'il reste chez nous en CDI. C'est ça. Ou qu'il aille à Lyon, qu'on prenne Antonetti. Hein. On échange. Est-ce qu'il y a des voix qui s'élèvent contre. Peut-être qu'il y a des choses, je sais pas. On peut rien dire. Peut-être qu'il se gare mal devant la Meno, non? Il se gare toujours devant la Meno, peut-être? Non. Il est poli, il est gentil, il répond aux questions des journalistes. Et il vient en vélo. C'est vrai? Après, il habite à Strasbourg, il pourrait venir à vélo. Hein. En train avec Jérémy Grimm. Il habite dans un quartier rempli de ch'toubistes. On l'a déjà dit la dernière fois. Je sais plus qui c'est qui a ces JP d'Arki qui a. On ne donnera pas son adresse, mais... Mais on la connaît. Suivez le plus gros. On sait où t'as mis, Julien. ça fait peur. Et Thomas, Julien Stéphane signe à Lyon. on sait où il habite à Lyon aussi. C'est vrai qu'on est dans la prospective à Radio Ch'touba. Ouais, non, c'est vrai que c'est difficile de lui en vouloir. Il a tout bon, du fait bien. Le club bosse bien, enfin, ça bosse bien. Mais enfin, sauf au marketing. Ouais, mais ça, le marketing, c'est un scandale, les gars. Le maillot de Gamero encadré 359€, allez vous faire foutre, quoi. Exactement. Bon, puis, non, mais vraiment, je pense à un moment donné. C'est cette année qu'ils ont sorti. Est-ce que je peux pousser un coup de gueule à JP Darky? Si, si, mais tu vas. Franchement, allez vous faire foutre. Franchement, vous êtes des bâtards. Mais tu t'es pas inscrit pour l'avoir gratuit. Non, mais on s'en branle. Sérieusement, les gars, ils vendent avec des logos qui sont au niveau des couilles, là, sur leur pull, là. Oh, non, mais franchement, mais changer de mec au marketing. Ouais, puis des fois, il y a un bleu un peu suspect, hein, quand même, hein, qui ressemble à du turquoise. C'est pour compenser la classe de Julien Stéphane, de Loïc Désiré, de François Keller, tout ce qui marche bien au club. Bref. D'ailleurs, allez Racing sauf le marketing. Et le centre de formation qui marche toujours bien. Hein, enfin. Et Racing Plus, on n'entend plus parler. Si, mais je pense qu'il reste encore 12 abonnés. Mais... non, mais on n'en entend plus parler. Je pense qu'effectivement, il y a 12 abonnés. Est-ce que ça existe encore? Il y a 12 abonnés, il y a Sabrina Keller, il y a... Storky. Jean-Luc Fizer deux fois. c'est pour justifier qu'il soit au prochain match. Hein. Là, c'est... Et Julien Stéphane, parce qu'il est trop gentil. Mais c'était la première. Plus sérieusement, Stéphane, il a quand même apporté une classe et une forme de... Le côté gendre idéal, c'était vraiment le truc qui était souligné en début de saison, mais il a apporté une dimension plus sérieuse. Je sais pas, il y a un côté, parce que Loré, il y avait ce côté genre, ouais, mais n'empêche. Alors j'ai mis Dim sur le côté, mais bon, voilà, il faut qu'il court. Allez, Dim, bouge-toi le cul, là! Non, mais en fait, je pense que ça peut marcher, ce type de management, jusqu'à la saison passée, où il n'y avait plus de public. Parce qu'on on entendait Thierry Loret. Voilà, c'est ça. Et du coup, les joueurs entendaient Thierry Loret. Alors, quand même, il n'y avait que Liénard qui l'entendait. Alors que Stéphane, il parle foot, il leur parle, quand tu vas à ses entraînements, c'est scientifique, quoi. Alors que Loret, la science qu'il avait, c'était balancer sur Ajorc ou sur Bellegarde. On prie pour qu'il y ait Péno. Mais pourquoi la dernière saison? Et ça, pour moi, ça resterait une grande énigme. Mais pourquoi la dernière saison, il a abandonné l'ambition de faire du foot? Mais moi, je peux te répondre. Je pense que la dernière saison, c'était sûr qu'il partait. Et il a perdu son groupe. Je pense qu'il a perdu son groupe et je pense qu'on l'a pas forcé. Alors, sans le dédouaner entièrement, hein, parce qu'il a aussi une grosse part de responsabilité, il faut pas non plus. Mais je pense qu'à un moment donné, Loret, on lui a dit, t'as encore un an, tu restes un an, on verra après. Mais ce on verra après, c'était, il y a la crise du Covid, on sait pas trop à quelle sauce on va être mangé. Et je pense clairement que la saison dernière, c'était la saison de trop. Oui. Si on l'avait signé 2 ou 3 ans, si on l'avait prolongé 2 ou 3 ans, peut-être que la saison dernière aurait été un peu différente. Je crois pas. Je pense pas. Parce qu'il avait perdu son groupe. Le fait qu'il reste encore un an sûr est aussi un des facteurs qui a fait. Mais je pense qu'il avait perdu la fin de saison du Covid. Mais parce que à ce moment-là, il y avait déjà des mecs qui faisaient plus d'efforts. Lala, il courait plus. Non, mais Lala, c'est autre chose. Lala, c'est qu'il voulait se barrer. Oui, mais Lala était quand même son joueur phare. Le problème, c'est ça. Finalement, quand tu regardes, Lala, on l'a pas bien géré non plus. Et la question, la question, c'est très bien qu'on parle de Lala. La question va se reposer cet été. Si un joueur qui est convoité, est-ce qu'il va falloir faire gaffe, à mon avis, à pas reproduire les mêmes erreurs, c'est-à-dire le garder à l'insu de son plein gré, tel un Richard Virenque. Je veux dire, ouais. Ça va poser question. Ouais. Mais la question pourra se poser pour Sissoko, pour Bellegarde, pour Djikou, pour Cels peut-être aussi. Niamsi aussi. On peut parler du mercato. Diallo, Gamero, tout le monde sauf Liénard, en fait. Mais finalement, le mercato, ça fait des années qu'on vend tous les joueurs. Tous les supporters sur le Stoub vendent les joueurs en disant oui, lui, il va partir cet été. C'est parce qu'il touche 1%. Oui, c'est ça. L'entrain des gens à vouloir. Moi, je trouve ça proprement hallucinant d'avoir toujours cette réflexion de dire ah, mais lui, il va partir, c'est sûr. En vrai, les joueurs, quand ils te disent qu'ils sont bien dans un club, c'est quand même beaucoup plus rare que des joueurs qui disent verra. Mais après, faut pas être naïf non plus. Moi, je reste persuadé qu'un joueur peut dire qu'il se sent magnifiquement bien au Racing, qu'il a envie de rester, qu'il kiffe la ville, le club. Mais si demain il y a Newcastle au hasard, qui pose West Ham, ou même Burnley, ou même le Celtic Glasgow, ou même les Rangers qui posent 20 millions, on va aller voir Rajor, on va lui dire écoute, casse-toi, c'est mieux pour tout le monde, tout le monde sera content. Mais tout le monde sera content, mais le truc c'est qu'à un moment donné, il faut arrêter de vendre les joueurs avant qu'ils veuillent partir ou avant qu'il y ait une offre. Je veux dire, le fait qu'il d'avoir un potentiel de vente, entre guillemets, ça fait partie du foot. Mais ça reste quand même des êtres humains. Je veux dire, à un moment donné. Si on n'a plus le droit de faire de commerce des êtres humains, genre. Non, mais c'est. Bordeaux n'a rien à faire en Ligue 1, alors. C'est pas fou. Mais un mec comme Sels n'a de toute façon rien à faire au Racing. Il est beaucoup trop fort. Moi, c'est le marché des gardiens, c'est encore particulier. Oui, mais tu vois, Sels, si on est dans une logique football manager, Sels, ça fait des années qu'il aurait dû être parti. Mais pour aller où? Les gardiens, c'est plus compliqué. Moi, je pense que parce que le gardien que tu, à part au PSG, qui a un club quand même. Mais Sels, il y aurait eu probablement un club plus huppé que Strasbourg qui aurait pu le prendre à un moment donné. Lille était intéressé. Mais il était déjà à Newcastle. Mais oui, c'est ça. C'est ce que je dis, il était à Newcastle. Il a pas passé le cap à Newcastle, donc même d'autres clubs se posent des questions, même s'il a fait des super saisons à Mais après, les gardiens, c'est particulier. T'as un gardien qui est titulaire et un Mandanda qui est resté 10 ans à Marseille, qui a tenté l'aventure en Angleterre, qui a pas réussi, qui est revenu un peu par miracle à Marseille. Il est revenu aussi, mais Mandanda, il était parti où? À Crystal Palace. C'est à Crystal Palace. Regarde Lopez qui reste à Lyon depuis longtemps. Lopez, il aurait à un moment donné pu aller voir. Si ça avait été un neuf, il serait parti depuis belle lurette. Non, parce que Lopez, il est plus petit. T'as bien fait de parler de ça? Mais le marché des gardiens, c'est particulier. Il y a un gardien et puis il y a un gardien. Vous avez bien fait de parler de Mandanda à Crystal Palace et même de. Finalement, ça me fait penser un peu à Thauvin, du coup, et même à tous ces joueurs qui reviennent en France. En fait, l'Angleterre, qui était un des marchés, qui était le marché pigeon où les clubs français vendaient leurs joueurs de merde pour des sommes, finalement tous les joueurs français revenaient parce qu'ils s'y retrouvaient pas en termes de management. Et c'est ultra important. Non, c'est qu'ils avaient pas le niveau. C'est parce qu'on pigeonnait l'Angleterre et qu'ils n'avaient pas le niveau. Il y avait ça, mais il y a des mecs qui ont réussi à se mettre au niveau. Moussa Sissoko, je veux dire, à un moment donné, il ne sait pas jouer au foot, mais le gars, il a quand même fait carrière. Ils en parlent à Lyon, hein, je crois. Oui, mais bon, il a quand même fait carrière en Angleterre. Etienne Capot a fait carrière en Angleterre. Il y a plein d'exemples. Mais le truc, c'est que en Angleterre, t'as pas non plus ce côté famille que tu peux avoir en France. Ouais, ça dépend vraiment. Ou alors, cite-moi des clubs anglais où il y a un côté famille. Leeds quand il y avait Bielsa. Ouais, mais quand il y avait Bielsa, mais Bielsa n'est plus là. Donc au final, c'est ce côté où les joueurs se sentent bien dans leur quotidien. Je veux dire, à un moment donné, t'as tes repères ou t'as des potes. Parce que quand tu vas en Angleterre, les mecs, c'est plus tes potes. C'est des gars, collègues, tu vois. Idéaliser la situation du Racing, en fait. Non, j'idéalise pas du tout la situation du Racing. Là, je parle en termes vraiment très, très humains, finalement, ce qui est très oublié dans le foot, Ça reste un boulot concurrentiel. Même si tu gagnes plus, à un moment donné, t'es pas plus heureux. Et le nombre de joueurs qui font des dépressions, le nombre de joueurs qui se crament, tu vois, le nombre d'exemples de mecs qui sont allés en Angleterre, qui se sont cramés, parce qu'ils étaient pas assez bons, entre guillemets, mais moi j'y crois pas non plus au truc pas assez bon. Moi je pense que c'est mental. Ils y ont pas cru, ils ont pas été bien entourés, c'est le truc de haut niveau, hein. Mais c'est juste qu'à un moment donné, Strasbourg, ça t'offre un cadre de vie sans être naïf et sans être idéaliste. T'es joueur à Strasbourg, t'es tout le temps encouragé par ton club. Ibrahima Sissoko, il n'y a jamais personne qui a sifflé Sissoko. Sur Twitter, il y a des gens qui ont. Mais sur Twitter, il y a eu des gens. Mais sur Twitter, c'est. Julian, si tu nous écoutes. Twitter, c'est pas le stade. Oui, bien sûr. Bastila au stade, il s'était fait cramer. Ah non, mais là, c'était honteux. Tu vois, il y avait vraiment des trucs. Il y a des joueurs au stade, ils se font siffler, ils se font dégommer. Et en fait, non, il y a à Strasbourg. Même Saadi qui a été sifflé, il y a un moment donné, il y a eu un haro en disant non, vos gueules. Même s'il aurait mérité au final. Saadi. Il est remplaçant à Bastia. Il est remplaçant au Wafis de Bastia. Le côté en mode, tu as une ambiance de travail. Et à un moment donné, le joueur, il cherche ça aussi. C'est un boulot. Faut pas oublier que là, actuellement, c'est une parenthèse dans l'histoire du Racing, dans l'histoire récente du Racing. Enfin, on est quand même. Mais dans quelques années, ce sera plus une parenthèse. Bien sûr. Non, mais je sais pas, parce que on est un peu des anciens, mais avant le dépôt de bilan, enfin, quand on était en Ligue 1, le Racing, c'était un panier de crabes, c'était pas la même ambiance. Hein. Oui, mais. Et tu parlais de Bastila, c'était ça, le contexte. Mais je pense que tout a changé, il faut justement le reconnaître, mais que tout a changé parce qu'on est descendu en 5ème division. Oui, que finalement, t'as ce côté très. Est-ce que ça va durer, ça? Est-ce qu'après encore 10 ans en Ligue 1, est-ce que. Mais c'est ça le truc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va demander. Enfin. L'idée, c'est de jouer de plus en plus haut, hein, et si on fait une saison de merde. Ce qui peut arriver, hein. Mais c'est arrivé l'an dernier. Ouais, mais à voir comment ça va réagir. Oui, c'est vrai, sans public. Mais c'est arrivé l'an dernier sans public, et finalement, après Montpellier, où t'avais vraiment une démission de l'équipe, qui en avait plus rien à foutre de l'orée. Ouais, mais là, j'aurais bien aimé voir la réaction des gens dans le public. Oui, mais je pense que la saison n'aurait pas été la même s'il y avait eu du public de base, tu vois. On peut réécrire l'histoire, sauf qu'en fait, les UB sont revenus pour encourager l'équipe pour le match de Lorient. Oui, c'est les UB. C'est pas le reste du stade. Oui, mais en fait. Non, mais contre Lorient, on est. Mais les UB ont une influence maintenant dans le stade, dans l'ambiance, parce que les gens viennent au stade pour l'ambiance. Ouais, je sais pas, c'est. Oui, mais même, je pense qu'il faut. C'est vrai que c'est un nouveau public, ça demande une étude sociologique un peu plus approfondie. Bien sûr. on est quand même, effectivement, on n'est plus dans les mêmes. Du tout dans les mêmes standards. Parce que ça a dû, quand il s'était fait siffler contre Amiens dans cette saison de Ligue 1 qui était terrible. C'était la première très, mais très rapidement, quand t'as eu cette forme de mise au point, notamment des fédés de supporters qui ont. Ah, t'avais un communiqué de Philippe, oui, ça. Non, mais en fait, c'était ultra important et je pense que les gens l'ont compris. Parce que Saadi. Saadi, il l'a toujours pas compris, hein, parce qu'il a pas mis plus de buts. On s'en fout de Saadi. Finalement, l'essentiel, c'était que le club se maintienne. Si l'équipe avait été. Parce que dans d'autres clubs, ils s'en battent les couilles, hein. À un moment donné, l'équipe, elle gagne pas deux matchs d'affilée, ils commencent à siffler, ils commencent à dire ouais, on est trop nuls. C'était comme ça à Strasbourg. Oui, mais cette saison-là, quand on est remonté, c'était pas le cas. Ouais. Et c'est plus le cas depuis quelques saisons. Mais combien de temps ça dure? Moi, c'est juste la question. Jusqu'au moment de l'embourgeoisement et de la lyonisation, ouais. Où les mecs, ils deviennent des experts en tout, et à un moment donné, non, encourage ton équipe. La question est plus globale. Est-ce qu'à un moment donné, un club avec une grosse ferveur, une grosse passion, est-ce que c'est pas ça, finalement? C'est-à-dire que tu finis par siffler ton équipe dès qu'elle perd deux matchs parce que t'es plus déçu qu'autre chose. Est-ce que tu t'attends pas plus de l'équipe? Est-ce que tu deviens un peu plus sévère dès que les choses tournent pas comme tu veux? Parce que après, moi, la saison nationale qui n'a jamais existé où on tombe, moi, je me souviens notamment d'un dernier match contre le Red Star où c'était archi tendu. Et le club se fait siffler à ce match. Le club se fait siffler. Même avant, je me souviens que quand on perd contre Colmar, il y a un espèce de panneau publicitaire gonflable qui est mis devant le portail des joueurs où les joueurs peuvent pas sortir. Donc il y a aussi une certaine partie du public qui est contre, qui à ce moment-là est contre les panneaux publicitaires. Mais je pense que c'est l'image du foot. C'est un équilibre précaire de toute façon. Le foot est une science inexacte profondément. Mais je pense que la frontière entre la passion, entre ce que tu attends des joueurs et puis entre les mauvais résultats qui peuvent arriver rapidement, elle est très mince. Non, je pense que là, il faut prendre exemple sur les supporters bordelais et Florent Brunet qui. qui même au fond du trou continue à soutenir l'équipe à 100%. Non, mais c'est eux qui ont creusé le trou. Je veux dire, à un moment donné, ils le soutiennent dans ce qu'ils ont fait eux-mêmes. Et le président, soutient. Donc non, ça c'est des vrais supporters. Je pense qu'à un moment donné, c'est une question de responsabilité aussi, mais dans la manière la manière dont les supporters ont épousé la politique, enfin bref, tout ça mérite une analyse plus profonde que ce qu'on a. Alors qu'on a un deuxième truc très important. Le quiz, oui. Non, avant le quiz, j'ai encore un dernier point qui m'a été demandé par notamment, je sais pas quelqu'un d'autre, Virginie Schaeffer d'émission. Okay. Ah, le vrai débat. Alors il y a sur Twitter. Et ben ça, tu vois. Ah putain, t'es pour toi. Ça, tu vois. Sur Twitter, il y a des gens qui ont demandé. Et alors, Top Music aussi, Top Music a fait une matinale entière. Il y a des gens qui écoutent Top Music encore? Oui, beaucoup. Non, faut critiquer. Je sais pas, mais en tout cas, moi, je l'ai vu sur Twitter. J'ai écouté France Bleu Alsace. Hein. Voilà. Donc, apparemment, il y aurait un mouvement, c'est vrai. C'est vrai qu'on pourrait le mettre à la mi-temps, du coup. Hein. Enfin, avec le spectacle de Storky à la mi-temps, mais. Et devinez quelle chance est. Virginie Schaeffer. Ah bah ouais, c'est toujours le même. J'ai gagné. Les règles sont sur le site. Voilà. Donc il y a eu, apparemment, il y a un mouvement de fond clandestin en Alsace qui se bat pour le retour de Virginie Schaeffer à la Méno. Eh bien, alors. Chanté par Jean-Luc Fils. Non, c'est vrai. À l'appel de ce cri, je réponds. L'odeur des vestiaires te fascine. Non, non, je pense que il faudrait mettre juste le refrain qui a un potentiel musical très important. Parce que le 4 buts au fond des caisses, ça n'a pas un potentiel musical. C'est très bien. Je pense qu'il y a un temps pour tout. Et je pense qu'il y a un temps pour Virginie. Tu vois, si. J'en reste persuadé. Franchement, je te dis, je suis persuadé. C'est vrai que tu veux revoir deux, trois paroles, hein, parce que l'odeur des vestiaires te fascine. Ouais. Non, ça fascine Virginie, mais le refrain, il n'y a pas d'odeur de vestiaire. Mais il faut s'identifier au peuple. Quand le virage entonne, l'hymne du Terre unie, tout le Racing frissonne à l'appel de ce cri. Franchement, c'est pas. C'est vrai que le public reprenait à l'époque. Hein. À l'époque, non. Mais si nous on dit Yetz Getzlos. Quelle belle époque, oui, sur. Mais c'est bon, parce que tout au début. Mais t'étais pas. Mais non, mais si on garde que le refrain. La Coupe de la Ligue, quand même. Si on garde que le refrain. Il y a une décolleté de Virginie. Hein, j'ai une autre question, là, de Calcio 90, hein, le meilleur. Il y avait un autre hymne en Ligue 2. Allez, Racing. Allez, hop là. Quand ça, c'était en National. C'était en Ligue 2, moi je l'avais encore en Ligue 2. Ah, c'était la fin de saison Ligue 2, mais c'était Yali qui l'avait mis. Enfin, c'était Hervé Sec. Mais non, avec le Ray, il y avait un autre hymne. Non. Non. Alors il y a eu le libre. Ouh, si peut-être. Si, libre de la Fédé. Nous sommes pas 11, oui, libre de la Fédé. Nous sommes pas 11, voilà. Le Saint-Louis à Wissembourg. Exactement. Mais alors pourquoi pas celui-là aussi? Pour mettre tous les hymnes. Et pourquoi pas Johnny Harley? Non, mais Virginie Schaeffer, pour le coup, musicalement. Mais est-ce que ça permettrait d'entendre. Potable. Est-ce que ça permettrait d'entendre moins JLF, le speaker, le speaker ou pas? On a quand même un hymne. The speaker. On a enfin réussi à retrouver l'hymne des années 90 de Christophe O'Neill, qui est magnifique. Mais il est bien. Mais Virginie peut avoir Gérard Schmitt. Non, mais après, je comprends que toi, tu l'associes à une période sombre, mais musicalement, il y a un potentiel Anfieldien. Oh putain. Et ouais, je me dis pire. Ah, mais ça, c'est le stade qui change 5 minutes avant le match et puis plus rien après. Hein. Mais on s'en fout. Mais ça, non, on peut pas être comparé en film. Ça fait plaisir à la tribune jeune, famille, Europa Park, tu vois. Les mecs, ils font chez Lourdi, Yetz Getzlos, t'as les gens. Voilà. C'est mieux que de dire il allait enculer. Juste le refrain. Okay. Bah on pourrait redire il allait enculer. Mais oui. Chez nous on dit il allait enculer. C'est à vous de jouer. Le derby d'Ali. Moi j'ai encore le. On avait reçu, je crois, les abonnés le CD. Oui, avec. Et je crois qu'il est toujours sous blister le mien. Vous avez vos chers. Avec le panneau d'utilisation virage du Crimery. Ouais, enfin c'est. Oui. C'est... Et bien, il faut que je recherche. Bon, non, mais l'idée, ce serait peut-être de mettre tous les hymnes. Et on les mélange. Et c'est Nagui qui les chante. Toute musique. L'hymne de Germain Müller. Voilà. Mais oui, Germain Müller. Hop, les bleus et blancs. Hop. T'as aussi des paroles magnifiques. Hein. Quel poète, ce Germain Müller. C'est l'heure du quiz. Voilà. Du quiz. Tu veux des stylos pour... Sans transition. Sans aucune transition. Après 4 heures de. Après 4 heures de professionnalisme, heures de... là, il y avait. Moi, je vais essayer de faire une émission qui dure, c'est genre, jusqu'au moment où tout le monde s'écroule. Sûr que JP Larson serait pareil. Il y a du potentiel. Hein. Cache ta feuille. Hein. J'ai essayé de tricher, mais je vais le voir. J'ai vu toutes les réponses, là, à tort. Mais c'est des joueurs. Non, mais c'est vrai, en plus, il dit plus rien, il sait déjà tout. Je les ai vus, je les ai pas regardés. C'est des joueurs du Racing. C'est des joueurs du Racing. Ah. Donc, toujours, hein, c'est toujours pareil. Hein. Donc, un petit quiz avec des vies et puis à la fin le survivor qui peut faire la différence, hein. Et donc qui déterminera le grand gagnant de ce quiz. La dernière victoire contre Paris, qui étaient les buteurs pour le Racing? Nyang, Pagis, non, Da Costa Baoken. Mais oui, j'ai trouvé. Mais oui, deux points. Nyang, Pagis. C'est pas vous qui avez gagné. Mais oui, on avait gagné 3-1. Abdesaki aussi. Abdesaki, il y avait Stéphane Fichot en face. Quelle était la dernière victoire de Paris à Strasbourg avec du public? En quelle année? Loris Arnaud, 2-1, 2008. Non, pas 2008. Bah, 2018, 2019. Avec public. En n'importe quelle compétition? C'est en 2007, non? En quoi? 2007. 2007, bonne réponse. Mais si, mais c'est le but de Loris Arnaud avec Loris Arnaud. Ouais. Et il y avait deux anciens Strasbourgeois qui jouaient du côté parisien. Diané et Ducrot. Non, toujours pas. Kevin Gamero? Non, pas encore. Non. À Paris, anciens Strasbourgeois? Ils étaient déjà anciens Strasbourgeois? Ils étaient déjà anciens Strasbourgeois. Loubouya? Ah oui. Non. Ah, c'est vrai que Diané, je l'ai. Diané, oui. Diané va être un des deux, effectivement. Putain, c'est pas Pichot. Non, c'est pas Pichot. Pichot est arrivé après. C'est pas Pichot. Voilà, vous êtes pas bon, ouais. Mais Diané, Louis Ndoula. Louis Ndoula, oui. On a fait un match contre le Paris 2. Oui. En quelle année? 2013, bonne réponse. On fait score final, un partout. À la Méno, pardon. Oui, 0-0 là-bas. But de Khalifa Koulibaly. C'est le 2 en 2013. Hein. Le Nantais. Et c'est Khalifa Koulibaly, le Nantais qui marque. Ouais. Et un Français, Areola dans le but. C'était une des questions. On toutes les questions. Et qui était, c'était une des questions, effectivement. Mais qui était le buteur pour le Racing? Stéphane Pichot. Non, Goliard. Non. Goliard, bonne réponse. C'est quand même assez impressionnant. Hein. On attend le. Franchement, mais j'étais à ce match-là et t'avais les ultra parisiens. Dimitri Liénard, s'il joue. C'est vrai. Demain soir, enfin, s'il a. 300e match, effectivement, bonne réponse. Contre qui était le premier? Red Star. Non. Red Star, bonne réponse. Red Star, oui, c'est vrai, ouais. C'était l'année où il a été recruté, ouais. Du coup. C'est assez intéressant ce duel. Quand même, le seul qui a une vie, donc qui a trouvé le plus de bonnes réponses, c'est Gigus. À la surprise générale. Ah, parce que moi j'ai répondu par écrit. Et je voudrais. Alors attendez, les 13 joueurs plus l'entraîneur qui ont joué le match contre Paris en 2007 quand on perd 2-1. En 2007, et Gigus, du coup, tu vas avoir l'honneur, hein, franchement, là, disons-le clairement, hein. L'honneur kebab de commencer, du coup. Oh putain. Donc 2007, victoire 2-1 du PSG avec effectivement un but de Rodrigo contre son camp et un but de Loris Arnaud. Du coup, bah, je vais commencer par Rodrigo alors. C'est une bonne réponse, Rodrigo, effectivement, pour marquer contre son camp, il devait jouer, c'est tout à fait vrai. Mais pour marquer dans l'autre camp, c'est Renteria. Mais. D'abord, c'était à tort. Ah hein, oh, putain! Moi, je vais prendre Jean-Marc Furlan comme ça. Jean-Marc Furlan. Ah, mais je prends Oison. Voilà. Oison, super but. Super but, en pivot. Un des plus beaux buts vu à la Méno. Et c'est à toi. Du coup, c'est à moi, nouveau. Et du coup, je dis. Après Stéphane Pivot, je dis Stéphane Cassard. Stéphane Cassard, c'est une bonne réponse, effectivement. Ah, d'être bon, fort, très bon. Alors, je veux dire Zoltán Selesi. Zoltán Selesi, effectivement, qui est plus ou moins dans le staff hongrois. Hein, oui, qui est entraîneur adjoint de la sélection. Mais il doit y avoir du Fonchon. Il doit y avoir du Fonchon. Lequel? Rames. Rames, effectivement. qui a remplacé un autre joueur, hein, effectivement. Rames Fonchon. Yes, t'as une vie, c'est pas grave, franchement, tu peux. Alors, parce que maintenant, du coup, maintenant, j'ai quand même l'équipe un petit peu. Une belle équipe, une dream team. Ouais, attends, donc c'est bien sûr, t'en parles. Du crow là-dedans. Chut, mais. Mais il a une vie. Ouais, non, mais j'essaye de quand même de visualiser le match. Là, c'est une technique que j'utilise, c'est. C'est ça, c'est que je revois le match. Dans le temps, le dans le temps, le plus bien. Hein. Je dirais Stéphane Pelé. Non, c'était après Pelé. Il n'y a même pas Pelé le Brésilien. Mais c'était en hiver, on se l'est pelé. C'est juste. J'ai pas de vie. Mais je vais quand même tenter Eric Mungi. Eric Mouloudi, bonne réponse, incroyable. Ouais, ça vaut presque une vie. Hein. Tenter Mouloudi sans vie. Ça ouais, mais en fait, alors du coup, là, je suis pas. Pesley, alors. Pesley, bonne réponse. Ah, merde, du coup, c'est celui que j'avais. Du coup. Gigus. Alors, attends, donc là, on est en 2008. 2007-2008, ouais. Ouais, putain. Donc, on vient de monter, papa. Est-ce que Yacine Abdesaki encore là? Ouais. Yacine Abdesaki, il était encore là, mais il joue pas. Il joue pas. Mais parce que tu vois, j'aurais dit lui à un moment donné aussi. Ouais. Bon, bah, voilà. Alors, un joueur qui joue tout le temps, mais si ça se trouve, il a pas joué ce match. Guillaume Lacour. Ah, bah oui. T'as mis Selesi, toi? Oui. Mais ouais, c'est ça, ouais. Mais je vais peut-être au milieu. Guillaume Lacour. Il est entré en jeu? Non, il n'a ni entré en jeu, ni joué, putain, ni rien. C'est le seul match qu'il a pas joué. Bah, je pense que c'est peut-être ça. Bah, du coup, c'est du coup, tu peux gagner une première fois avant de gagner éventuellement. Si c'est pas la cour au milieu, c'est qui? Bah, il y a Johansson. Johansson, bonne réponse. C'est son anniversaire aujourd'hui. C'est son anniversaire aujourd'hui. Ça ne passera donc pas, hein, bien évidemment. Comme chaque année. Hein. Bah, du coup, l'autre milieu de terrain, je vais. Gigas. Non, mais vas-y, attends. Non, mais j'ai une vie, moi j'ai fini. Hein. J'ai déjà utilisé ma vie. Mais t'as encore une vie. Oui, moi j'ai pas de vie, je suis mort. T'as une vie de la vie. Allez, il reste 4 joueurs. Pense à Metz. Fin de carrière à Metz. Bah, ouais, du coup, je l'aime. Fin de carrière à Metz. Fin de carrière à Metz. Ou Kidja. Du coup, je pensais, mais non, mais il était déjà parti. Florent Mollet non plus. Non, Valenciennes, Saint-Etienne. Pénalty à Montpellier. Non, mais c'est pour Gigas. Je vais dire Peugeot Coad alors. C'est ça, mais putain, bien sûr, mais. Putain, je voulais bien jouer. Il en fallait beaucoup. Moi, je suis mort. Fin de carrière à Metz. Tout le monde est mort. Attends, t'en penses à un autre? Il en reste 3. Dont un qui est rentré en jeu. Je peux tenter un Kevin Gameron? Tu peux tenter, tu peux réussir un Kevin Gameron. Ouais, Gameron, ouais. Putain, merde, c'est vrai qu'il est mort. Mais à mon avis, il jouait pas encore à ce moment-là. Mais il manque le latéral gauche. Je l'ai, moi. Il manque le latéral gauche. Ou je laisse le non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, celui-là, faut que je le retrouve parce que... C'est notre Roberto Carlos local. Ah, il ressemble. Ah, Manuel Dos Santos. Manuel Dos Santos, c'est le putain. Dernier. Alors, le dernier. Un attaquant. Alvaro Santos. Alvaro Santos. Oh, bravo. Bravo. Hein. Quel coup on a tout le monde, hein, effectivement. Je comprends pas qu'on n'ait pas gagné. cette Dream Team. Alvaro Santos, hein, qui a obtenu un péno contre Metz, hein, où il s'était jeté, là, ça puait la simulation. Alvaro Santos, je me souviens surtout de son but à Lens. Bah oui, j'allais dire, oui. À Lens. C'est un... Chez les frérots. C'est là qu'on installe l'amitié. Il entre en jeu, il court se placer sur le corner, il marque. Je crois qu'il s'arrête à peine. Il s'arrête pas. Juste, il marque peut-être un léger temps d'arrêt. Ouais. Et il non, mais il y a quelque chose de... Tête, non il y a quelque chose de... Sur le corner, on prend les poteaux. C'est un peu Idriss Saadi, il y a 10 ans. Idriss Saadi brésilien. Donc voilà. Saadi qui a mis des buts importants, mine de rien. Dont celui contre Nice. Où on fait un partout. À Montpellier aussi, Marc. Et à Montpellier, Marc. Oui, c'est vrai. Voilà. Et franchement, montée, il marque des buts qui nous maintiennent. Bah voilà, je pense que sur ces bonnes paroles, on a même fait déjà le score du prochain. C'est quoi le prochain match? C'est clair. À Brest. Ah, non, Brest. On en parlera à la mission d'après. En plus, je crois qu'on est déjà pas mal. Seulement si on perd. Seulement si on perd. Mais en tout cas, oui, voilà, tu peux faire comme ça. Ah non, on peut pas se filmer sur la radio. merci à tous. Et bien sûr, pour le match d'hier. Allez, merci! Il doit y avoir une équipe professionnelle en Alsace, on sait bien que ça ne peut pas être une autre équipe que le Racing.